Hey, salut tout le monde, ici Sébastien Bouchard au micro et vous êtes bien à l'épisode numéro 11 de Fun Regarder des films, le podcast. Et on est une team de testostérone ce soir, c'est assez débile. Moi, je les vois tout en chess, c'est assez malade. D'ailleurs, GF, ton six-pack, ça en vient vraiment bien. Ah, merci, merci, merci, je travaille fort là-dessus. Ouais, puis Steven, tu t'es rasé assis, c'est hot. Ouais. T'es pilé? Non, Ah, mais ton ah, chest, oui. ah, ouais, Tout est ouais. assis, hein. Écoute, Ça. j'ai jamais eu besoin de faire ça de ma vie. Non, c'est ça, mais tu chanceux. Hey, comment ça va, les gars? Ça va bien. J'ai comme pris par surprise. Vous vouliez pas que je parle de vos parties en dessous du gilet? Écoute, Ouais, je c'est t'ai pris ça. par surprise avec les suppositoires, t'as le droit. Ouais. Ah là là là là, ça va en dehors du show cette anecdote. Non! Ah, c'est ça, il y a des choses qui se passent sur le live Facebook qui se passent pas dans le show. Ce qui reste sur Facebook, comme dit le proverbe, ce qui reste sur Facebook, non, oublie ça, ça marche. Ça marche pas. Ce qui se passe sur Facebook, non, c'est ça. Ah, en tout cas, non, mais c'est un drôle de show ce soir. Vicky n'est pas là, malheureusement. Pauvre Vicky, parce que son chien est mort. C'est vraiment triste. Ouais. C'est vraiment pas l'expression Non. son chien est mort. Là, t'sais. Non, Son c'est vrai. chien est mort aujourd'hui. Fait que, ben, c'est ça. Elle filait pas trop. Elle reste avec son chum, puis on la comprend. Puis c'est vraiment triste pour elle. Puis reviens-nous en forme. Mais en même temps, j'étais peut-être en forme. Regarde. Hey, je vais arrêter, je suis en train de me caler. C'est c'est ça, c'est un drôle de show. une vedette un peu c'est une vedette un peu du show, on l'a vu passer des fois dans la caméra. Ouais, Ouais. c'est passé dans un live. Ouais. Ah oui. Un beau Le... chien. L'affaire, c'est que j'espère qu'il n'y a pas un cimetière d'animaux proche de chez elle parce qu'elle va avoir l'idée d'y aller, puis là, C'est vrai, hein? ça va mal tourner. Ça va mal finir. Ça va mal finir. On va voir son chien passer en arrière dans le chat, puis dans le stream, puis ça va être la dernière chose qu'on va voir. Espérons qu'elle a appris quelque chose de ses visionnements de films d'horreur. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Y a-tu beaucoup de. Ah, regarde, non, j'allais dire. Y a-tu du chien dans les giallo, mais en tout cas. Parce qu'elle Hein? était dans les giallo dernièrement, là, fait que. Les chiens font pas partie de la mécanique des giallo, je pense, hein, non? Ben, ça dépend. Dans The Hunting, il n'y a pas de chien. Ok. Non, parce que c'est pas un... En tout cas, je me comprends. The Hunting of Hill House, c'est ça? Non, mais... On va pas En tout cas... encore parler de Hunting of Hill House. C'est vrai, toi, tu l'as fini cette semaine, Steven. Oui, j'ai terminé la série cette semaine. Non, un peu, c'est fini. J'ai fini des César. Oh. Marc-Antoine qui dit Suspiria, une bonne scène de chien, je m'en souviens pas. Tu vois, Oui, c'est c'est vrai que... la seule chose que je me souviens de Suspiria, c'est la scène du chien. J'ai failli le dire tout à l'heure, mais Mais voyons donc. j'étais comme, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a une scène de chien dans Suspiria. J'ai Comment failli tu le dire. peux oublier la scène d'intro puis juste te rappeler de la scène du chien? Pour vrai? Ben, la scène finale. Ouais, la scène d'intro, Ben, surtout, les 15 premières minutes. ouais. Sinon, The Écoute. Beyond de Fucci, une excellente scène de chien, mais c'est pas vraiment un dialogue. Bon, écoute. Peu importe, on n'est pas en train de faire un épisode spécial Les chiens dans les giallos, mais serait on a bon, ça. improvisé ça sur le coin. Là. On connaît tellement nos giallos qu'on est capable de vous faire un top 5 des giallos avec un dessin de chien. On va sortir un livre dans pas long, le top 50 des meilleurs films de chiens dans les giallos. On est vraiment bon. Non, c'est ça. J'ai comme la voix qui déraille un peu et la gorge qui chauffe. Ça, j'ai un poêle allumé à 450 dans la gorge. Fait que c'est pas trippant. Fait que je vais comme rusher le début du show. Puis à un moment donné, je vais crisser mon camp, comme il dirait, par chez nous. Puis je vais laisser les deux gars nous faire un bras de fer des films par la suite. Ça va être débile. Puis Oh yeah. ouais, c'est ça. Mais ça va être un excellent show quand même. Écoutez, les gars, savez-vous pourquoi ça va être un excellent show, les gars? Parce qu'on a du bon stock. On a du bon stock, mais on a du bon monde qui nous suivent. On a des bons Patreons qui nous suivent. On a Oui. des excellents patrons qui nous suivent. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur notre Patreon pour savoir comment nous encourager, c'est très simple. Allez sur le patreon.com/fun regarder films. Et On a des Patreons qui méritent même leur petit shout-out parce qu'on les aime beaucoup et qui donnent énormément au show. J'ai nommé Patrick de VI2XP Photographie. On a Véronique de Les Douces Folies de Nikki. Puis on a aussi Kevin Hood. Alors, merci à ces trois copains qui ont droit à leur shout-out. Et merci à tous les autres. Merci. Et merci à tous ceux qui viennent juste passer une belle soirée avec nous. Fait que Marc-Antoine et Sakou, tout ça, c'est toujours fantastique quand vous êtes là. C'est le fun. Non, on les remercie pas, eux autres. Oh! Moi, je veux juste du monde qui donne du cash. Commence l'épisode. C'est-tu moi qui est bon? C'est moi qui est bon? Puis finalement, tu te rends compte qu'il est vraiment trop de cul au bout du compte. Là. C'est ça. Mais non, on t'aime. Non, je pensais que tu étais en train de refaire une autre insinuation de suppositoire, toi, là. Écoute, là, tu m'ouvres la porte, hein, entre guillemets. Oh! Je l'écarte bien grande. Bon. Bon. c'est ça. Et, c'est ça, si vous voulez vous nous encourager, toujours le Patreon, toujours une façon d'aller parler, d'en parler à vos amis, d'aller faire un tour sur notre boutique... allez sur notre site fondregardesfilms.ca, allez voir sur l'onglet boutique. On a des sacrés beaux t-shirts, tasses, paquets d'affaires. Écoute, moi j'ai ma petite tasse fondregardesfilms à la job, puis je look en crisse. J'ai eu une augmentation juste à cause de cette tasse, ça c'est débile. c'est ça, puis sinon, allez sur iTunes, mettez-nous un 5 étoiles et écrivez-nous un petit commentaire. Ceux qu'on reçoit, on va les lire en direct pendant le stream. Et, c'est ça, pour vous remercier. Puis, c'est ça. Sinon, c'est ça, faites juste en parler à votre ami. Dites à votre ami, votre seul ami, mais votre meilleur. dites-lui ou dites-y à elle que vous êtes un fan et qu'on est incroyable. Puis, quand vous êtes sur le live, comme là présentement, partagez le show. Alors, tout le monde sur le live, partagez le show right now. Peut-être en a un qui est comme mon meilleur ami est décédé. Bon, je vais aller chercher la planche de Ouija. Je te conseille d'écouter. finalement, on est rendu dans Unfriended 3 parce que sur le live Facebook, on a un fantôme qui hante le stream. C'est malade. Et là, on est obligé de podcaster à 50 mots minute. Sinon, si on ralentit, ça pète l'Internet. Ok, toi, tu veux faire le speed 3 version speed internet. 3. Speed 3 versus podcast. Parce que tout le monde veut oublier speed 2 avec le bateau. Là. On s'entend. Ben écoute, si tu fais speed 3 ou est-ce que c'est un podcast qui est obligé d'aller à au moins 53 minutes à cause d'un fantôme sur le chat, c'est sûr que tout le monde oublie speed 2. Non, mais c'est weird, hein, qu'est-ce qu'il pense? Speed 1, gros succès, Keanu Reeves, tout ça. T'arrives avec speed 2, Sandra Bullock revient. Pourquoi Jason Patrick dans le premier rôle? Non! Prenez quelqu'un mieux que ça. Il y en a un qui avait compris, en tout cas. Il a fait comme, non, moi je m'en vais! Ciao! En tout cas, il a manqué le bateau. Sandra Bullock, je pense à l'époque, elle n'avait pas encore le choix trop de ses rôles. Non, probablement pas. Non. Puis elle avait quand même passé du rôle de la chauffeuse d'autobus qui n'avait un peu à... Juste la fille sur le bateau. La princesse qu'il faut sauver. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es comme, come on. Puis Willem Dafoe qui amène des bombes avec des bâtons de golf puis qui se crisse des sangsues sur le torse. Puis t'es comme, what the fuck? Ça va pas, Willem? je pense que oui, ça va pas, Willem, mais en tout cas. C'est vrai, à chaque fois que tu penses à un film avec Willem, il est jamais normal, Willem. Non, c'est ça, tu sais. Dans sa nature. Alors, sauf quand tu fais Jésus. Le nouveau film. Le nouveau film de Willem Dafoe. Père de famille. Un père de famille. T'sais, c'est juste ça. T'sais. Joue... Non, t'sais, tu veux pas voir Willem Dafoe avoir des enfants d'un film. T'es comme, oh my god, ce gars-là a un enfant. Ah, mais il a fait Jésus. Il a fait Jésus. Non, un des rôles les plus normaux et fun de Willem Dafoe, c'est dans un des pires films que j'ai vu, la suite de Mr. Bean, où là-dedans, il joue un espèce de réalisateur hipster qui réalise un film sur lui-même, qui monte un escalator pendant comme 1h30. Là. Puis il s'écoute à Cannes, qui est comme, si c'est bon, man. Hey, sur ça, est-ce qu'on a autre chose ou on se commence ce show-là? Je pense qu'on commence ça. Hey, allez voir sur notre site. Là. On a reçu un paquet de concours là, présentement. Là. Faites tirer le coffret de la première saison de Star Trek. Des billets pour aller voir Mortal Engines, billets pour le nouveau Zemeckis, Après ça, j'en oublie-tu un? J'en oublie-tu un? Ben, c'est tout. Ben, si c'était tout, ce serait quand même cool. Ben, j'en ai d'autres qui s'en viennent. Hein? T'arrêtes pas de nous bombarder avec des Des concours. Fait que concours. c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. Anna and the Apocalypse. Oui! Hey, man. Ça, j'étais Puis, content. le vinyle, je pense que le vinyle est sorti, mais le 7 décembre, la soundtrack sort. Puis évidemment, c'est toujours préférable de voir le film avant, mais je vous garantis que vous allez vouloir acheter la soundtrack après. Toi, Jeff, je parle à toi! Mais ouais, fait qu'aller voir ça, puis il y en a d'autres qui s'en viennent là. C'est juste que j'ai pas le temps de les mettre. Puis les autres, c'est comme pas des trucs de cinéma, fait que c'est moins urgent. Tout ça, mais on commence. Et Yep. ben, comme je disais, je vais commencer ça parce que c'est ça, je vais sacrer mon camp. Et je vais y aller avec de quoi de vraiment mollo, là. Écoutez, là, ceux Nice. qui sont encore dans le horreur gamer, vous avez déchanté un peu, là. Parce que je vais vous parler du film Crazy Rich Asians. Asians? Asians. Asians. Asians. Comédie romantique, toi. Hey, c'est quand la dernière fois qu'on a parlé d'une comédie romantique? Jamais? Ben, juste quand on se parle entre nous, ça équivaut à C'est une comédie ça, ouais. romantique. C'est ça. Ah, ça c'est vrai. Le show, c'est une comédie romantique. On est drôle puis on s'aime. C'est cute. On se fait un échange de cadeaux en En plus. plus, hey, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte de voir. Ce que j'ai fait mis dans ma boîte, moi, je sais. Ouais. Hey, Crazy Rich Asians. Ce mot-là, Asians. C'est tellement de la misère à dire ce Dis-le en mot-là. français. C'est quoi sur la pochette? Je sais pas, j'ai pas la pochette avec moi, j'ai juste le coupon du code numérique. C'est les trucs à Singapour, là. C'est riche à riche truc à Singapour. En tout cas. Ouais, finalement, elle reste avec le titre en anglais. Montre-nous les titres, c'est tout. C'est crazy. Les Asiatiques riches et fous. C'est ça. Les Asiatiques riches et fous, crazy, en tout cas. C'est un bon film. C'est ça, je voulais juste vous dire. Ma critique finie, là. J'étais que. Hein. God. Oh, God. C'est une comédie romantique réalisée par John M. Chu et qui met en vedette vraiment un cast seulement d'Asiatiques. C'est vraiment là. C'est... Mais c'est une production, c'est pas une production qui vient d'Asie, c'est vraiment américaine. Et c'est carrément, je dirais, une des premières comédies romantiques américaines avec un cast seulement asiatique. Qui se passe même pas aux États-Unis, en tout cas. C'est vraiment des paysans. T'sais. C'est fou. Venant d'un gros studio, là. Oui, c'est ça. Oui, qui vient d'un gros studio. Puis on s'entend que c'est pas un truc indépendant. Là. C'est en Blu-ray, c'est Universal qui distribue. Là. Fait que on n'est pas. C'est pas Warner? Oui, merci. Okay. J'étais comme ah oui, c'est Warner qui nous ont donné la copie. oui, c'est ça parce que là, c'est Warner. Les deux films que je vous parle de ce soir, c'est Warner qui nous ont donné des copies de visionnement. Tu Warner les deux? Qu'est-ce que c'est en train de me mêler? Ah! Oui, c'est Warner. Oui, c'est Warner. Oui, regarde, c'est Warner. Là, il y a le petit. Qu'est-ce que c'est ça? Pas juste la voix qui a de la musique. Hein. Voyez-vous le logo flou là, à la caméra? C'est le logo de Warner. Les deux du tout, c'était pas rapport. Ah! Bugs Bunny! Bugs Bunny s'est recyclé dans la production. Mais produit par Bugs Bunny. Ah! C'est peut-être une bonne chose que je calisse mon gars de ce show-là ce soir. Ah! God, c'est rough. Ouais, c'est ça. Marc-Antoine Lamonté dit asiatique follement riche. Oui, c'est vrai que ce serait mieux ça. Mais il y a une couple de crazy au travers, fait que ça marche. Ça raconte l'histoire de. excusez. Là, faut que je reprenne mes sens. Ah, oh, God. Ça raconte l'histoire de Rachel Chu, qui est amoureuse de Nick Young. Je ne sais pas où spécifier. C'est ça, c'est comme calice. Merci de le spécifier. Je ne vais pas le dire. J'aurais jamais dit le mot asiatique aussi souvent dans un podcast. Oh, sont-tu fous, ça? Sont-tu riches? Sont-tu riches? Follement riches. Sont follement riches. D'accord. Si j'ai mal. Il voulait partir tôt pour faire durer ça longtemps, ses critiques. Là, je sais pas. Je vais juste regarder le titre. Dis les initiales, quand tu veux le dire. J'ai pas vu le film, j'ai pas vu! Non. Oh, God. Oh, God, OK. Nick Young, dans le film, Nick Young est un Asiatique qui vient d'Asie. Il vient de... OK, bon. Hey, je suis correct. J'ai passé au suppositoire de plus tard, puis ça m'a arrêté de rire. C'est ça, il vient de la famille la plus riche de tout Singapour, puis une grosse partie de l'Asie. C'est genre des magnats, des architectes, des buildings de fous, tout ça. Mais il l'a jamais dit à Rachel. Puis il dit, viens avec moi à Singapour, j'ai des amis, j'ai un couple d'amis qui se marient, puis elle les connaît, puis... Il dit, on s'en va à leur mariage, puis je vais en profiter pour te présenter ma famille que je n'ai pas vue depuis vraiment longtemps. Puis elle, ben, elle s'en va là-bas sans savoir qu'elle s'en va rencontrer la famille la plus riche de toute cette bout de pays-là. Pardon. Et évidemment, elle va avoir un clash parce qu'elle n'est qu'une simple New-Yorkaise qui a vraiment... Qui vient de parents asiatiques. C'est comme, je ne peux pas trouver un synonyme. Là. Bon. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme une fausse asiatique pour d'autres. Puis elle va avoir à faire face à cette famille un peu pincée dans les traditions, tout ça. Puis, ben, c'est ça, ça va donner des situations comiques et avec des personnages flamboyants, tout ça. Je vais dire histoire classique, oui, là, tu sais, parce que ça reste que c'est une comédie romantique. Là. Les timings des événements sont là. Tu sais, vous allez savoir qu'au tiers du film, il va y avoir un genre de, je sais pas, quiproquo ou quoi que ce soit, mais tu sais, il va y avoir des trucs qui vont faire des chicanes. Puis, tu sais, la mécanique de la comédie romantique est là. La mécanique de la comédie romantique n'est pas renouvelée dans ce film-là. Ce qui est le fun, c'est le setup. Le setup est vraiment, vraiment original. Le réalisateur aime son Asie, puis il marronte. Il n'essaie pas de faire comme si c'est casual. Non, il va aller dans les places hot, il va nous montrer des trucs qui sont dépaysants. C'est vraiment le fun. Fait que visuellement, ça nous donne un film qui est vraiment intéressant. Puis il prend le temps de parler des traditions un peu, tout ça. Mais c'est ça, ça donne des personnages qui sont en couleur, ou qui, je dirais peut-être la moitié de ces personnages-là sont pas crédibles, et l'autre moitié est vraiment le fun, vraiment bien écrite. Mais jusqu'à les 10-15 dernières minutes de ce film-là, je n'étais pas sûr si j'aimais ça. Je pense même que j'en avais parlé, c'est à toi, Steven, que j'en avais parlé, que je trippe pas finalement, je comprends pas le bas. Je comprenais pas trop qu'est-ce que cette comédie romantique-là essayait de faire. Puis, quand le film a été fini, j'ai fini ça avec un sourire. Puis j'ai fait comme, non, OK, c'est correct. Je me suis diverti. Le film, comme toute comédie romantique, le film n'est pas si drôle que ça, tu sais. Comédie romantique, là, moi, j'appelle plus ça un film romantique léger, tu sais, parce que la comédie, il faut le dire vite. Il y a des bouts qui m'ont vraiment fait rire, qui m'ont amusé, puis c'est... J'ai vraiment trippé, là, mais tu sais, le film essaie d'être drôle, mais c'est pas ça, on ne se tapera pas ses cuisses. Mais c'est le fun. Ça fait différent. J'ai vraiment pas regretté d'avoir vu ce film-là. J'ai même le goût de le faire écouter à ma blonde. Justement, c'est le film à écouter mollo. Là souvent, on est un peu sous la pluie des comédies romantiques, puis on sait pas trop quoi écouter. Elle a fait un beau buzz côté critique, mais j'ai l'impression que côté location, club vidéo, puis vente, ça lèvera pas. À cause de la pochette, à cause du titre, à cause de, tu sais, il n'y a pas de vedette là-dedans, là, on s'entend. Là. Y a Michel Yeoh. Ben ouais, mais tu sais, Michel Yeoh, oui. Mais, ben tu dis pas... ça, puis j'étais allé à mon club Vidéotron cette semaine, puis il y avait au-dessus d'une trentaine de copies, puis il ne restait plus une copie. Ah ouais, OK. Ouais. Mais c'est peut-être le timing de distribution était bon. Ou le buzz aussi, veut, veut pas, ça l'a fait un buzz. Il y en a beaucoup qui en ont parlé. Fait que, mais écoute, ça va tant mieux. Suffire. Tant mieux, parce que je considère que c'est la bonne comédie romantique à écouter ces temps-ci. Et à ne vraiment pas bouder son plaisir. Puis même si vous n'êtes pas fan du genre, moi, les comédies romantiques, d'habitude, je skip ça. Là. Là, j'ai vraiment écouté parce que je savais qu'il y avait un buzz, ce film-là. Puis ben, j'avais comme pas le choix parce que j'avais demandé à Warner de nous envoyer une copie. Puis ben, finalement, je regrette aucunement ce visionnement-là. C'était un très, très, très bon film. Ben, très, très, très, très bon film. Un bon film. Oh, oui. Je vais le faire peut-être écouter une fois à ma blonde, puis après ça va être fini. Mais après ça, je vais en garder un bon souvenir. Puis je vais sûrement surveiller la suite parce que je crois qu'il travaille sur une suite. Ouais, puis c'est déjà une série de livres, apparemment. Fait que. Salut Jesse qui vient d'apparaître sur le chat. Donc, ouais, non, c'est ça. Puis je vais être vraiment curieux. Il y a des trucs qui marchent pas. Oui, dans ces comédies romantiques-là, c'est tout le temps quand il y a le personnage que tu fais comme. Ce personnage est un personnage qui n'existe pas dans la vie. Ça me gosse. Ça me gosse vraiment. T'sais. On dirait qu'ils se sentent tout le temps obligés de mettre un ou deux personnages que. Oui, c'est le comic relief, là, mais en plus, cette personne-là n'a pas d'amis. Cette personne-là ne peut pas exister autour d'autres gens. T'sais. Et puis là-dedans, ils prennent celui qui jouait dans la Community, là, qui faisait le professeur loser qui devient étudiant là. Celui-là qui crie le fameux gay, le meme qu'on voit partout là. Ouais, ouais, c'est qui tu parles. Tu sais, il est dans, un peu. Il s'appelle Ken Yeong. Il joue dans Hangover. Puis c'est ça. Tu sais, encore une fois, il joue un personnage qui se peut pas, puis ça gosse. Tu sais, je me dis, il y a moyen de faire des films drôles puis des comédies romantiques drôles sans rajouter des personnages aussi non crédibles. Tu sais, il y en a un autre que c'est le pervers de service. Tu sais, là, le gros colon pervers qui fait toutes les jokes de cul puis des trucs qui pas rapport puis que c'est lui qui va faire les calls gras. Ben, on les donne aux gros colons pervers, comme ça on peut faire des jokes grasses, puis ça passe correct, parce que ce gars-là, il mérite pas de respect de toute façon, tu sais. Ça, c'est la technique South Park. Quand vous voulez faire dire quelque chose qui se peut pas, vous le faites dire à Cartman. Quand c'est Cartman qui le dit, ça passe, parce que, tu sais, Cartman peut dire les pires énormités, c'est Cartman. Mais on dirait que des comédies romantiques qui le font, tu sais, ça me gosse. Fait que c'est ça, c'est peut-être la seule affaire que je ressors de cette écoute-là, mais sinon, c'était écœurant. Écœurant. Deuxième film. Là, c'était bon, c'était écœurant. Ah, oh, regarde, là. Écœurant sur 10. Là. C'était crazy. C'était crazy. 7.5 crazy agents sur 10. Ah, non. ce serait un 3 sur 5 sur notre site si j'avais eu à faire une critique écrite. Pour une comédie romantique, pour moi, c'est souvent ce que je peux donner de mieux. À part peut-être Love Actually, que c'est un 5 sur 5. Les rom-com? Ouais, c'est bon. T'as-tu écouté The Big Sick? Non, je sais, il est sur ma liste, mais ça a juste jamais donné. Oh, vraiment, tu vois. Ensuite, Steven, il va falloir que tu m'aides sur celui-là parce que là, je commence à avoir de la misère avec ma gorge. Ouais, hein? Parce que le prochain, on retombe dans l'horreur gamer. Et c'est The Meg, ou Mégalodon en français. Et là, on a Jason Statham qui n'a pas de cheveux. c'est rare. Hein? C'est rare. The Meg, vous êtes-tu des fans de Shark Week puis tout ce qui est. J'ai jamais vraiment écouté les Shark Week, mais j'aime les films de requins. Quoique j'ai été un peu saturé par les productions d'Asylum puis tout ça. Là. Mais ouais, t'as même pas regardé les Sharknado. J'ai pas embarqué dans ce délire-là, on dirait. Je sais pas. À un moment donné, peut-être. Ben, c'est. Tu sais, ce film-là, évidemment, c'est essaie de miser sur toute la base des requins, mais est aussi basé sur une. C'est-tu une série de livres ou juste un livre? Je pense que c'est juste un livre, mais je suis pas sûr. C'est un livre, puis un livre qui est vraiment bien coté, parce qu'apparemment que l'histoire est vraiment bonne, puis il y a vraiment des trucs pertinents qui ne sont juste pas dans le film. Fait que... Ouais, c'est un livre qui date de l'époque de jazz, je pense. Ok. Ah ouais. Je pense. Je pense que c'est vieux, mais peut-être que je me trompe. Là, tu es capable de chercher pendant qu'on en parle? Ouais, je vais checker. Ou Marc-Antoine va nous dire. Ouais, c'est ça. Marc-Antoine est bon pour ça. Ouais, c'est ça. Non, ben, parce que moi, je suis pas un fan de films de requin, mais j'aime toujours ça. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas tellement qui sont bons. Tu sais, tu peux les compter sur tes mains. Ah, 97. Ouais. Je me suis trompé. Ok. c'est réalisé par John Turtletaube. Et non, Turtletoad. Des animaux qui vivent dans l'eau. ouais, c'est ça, oui, la série Trésor National, c'est ça que tu disais. Ouais. Puis il avait fait aussi Phenomenon. Puis, c'est-tu celui que je pense? Oui, Instinct avec Anthony Hopkins. Ah, le film que tout le monde a oublié. Oui, c'est ça. puis c'est ça, bon, ben écoute, ça raconte l'histoire de cette équipe de chercheurs qui cherchent à explorer. Ils ont comme une théorie que, dans le fond marin qu'on connaît, la place la plus profonde n'est pas la place la plus profonde. C'est... il serait genre de couche de gaz qui serait très, très, très, très, très, très froide, très, très condensée, mais que si tu traverses cette couche de gaz-là, tu vas te retrouver comme dans une autre encore profondeur des océans, mais qui a comme conservé, qui a comme été conservé parce que cette couche de gaz-là fait comme faire un mur entre les deux zones. Fait qu'on retrouverait soit des vieilles, vieilles, vieilles espèces ou des espèces, en tout cas, qu'on n'a jamais découvert. Fait que ces chercheurs-là veulent aller explorer là, finissent par s'y rendre, mais ils vont se faire attaquer par un grand requin géant. Puis en sortant de là, le requin va pouvoir traverser le genre de mur et venir à la surface. Le principe est vraiment le fun. Tu sais, cette théorie de base-là m'a vraiment fait triper. Même que j'avais le goût qu'il reste plus longtemps en dessous. T'sais. Ouais, c'est laissé de côté assez rapidement. C'est écrissant, tu sais, parce que j'étais comme, mais la prémisse, j'y crois. Tu sais, c'est quasiment dans ce genre de truc-là, tu sais, on avait Piranha 3D, là, que c'était des piranhas préhistoriques ou whatever. Mais tu sais, tu fais comme, écoute, j'y crois à ta prémisse. C'est aussi crédible qu'une prémisse à la Jurassic Park. Là, c'est con, mais tu pourrais quasiment ne pas fixer que sur un film de requin, dans le sens qu'il pourrait avoir des espèces qu'on connaît absolument pas là, en dessous de ça. Hey, fait, ils se font attaquer par un genre de poulpe géante à un moment donné. Ouais, genre de calmar. Un calmar géant. Puis c'est comme, mais là, j'en veux encore de ça. Là, restez donc en dessous de là, puis en dessous de ça. Puis pourquoi ça pourrait pas se passer une partie en dessous? Mais non, ça. Dans le fond, on voulait un Kong Sky Island avec sous l'eau, avec des créatures qui se battent contre le requin. Ouais, ça a été débile, hein, c'est ça. Mais non, écoute, le requin remonte et là, ben, il va faire un carnage. Et Jason Statham va être là pour. Carnage. J'aime bien tes guillemets pour le mot carnage. Et Jason Statham va être là pour sauver la mise ou en tout cas. Sauver le film. parce qu'évidemment, ça n'avait pas été Jason Statham. S'il n'y aurait peut-être pas eu un buzz aussi grand que ça. Le film a vraiment les bonnes passes. Ses money shots fonctionnent au film. Tu sais, là, les bouts que tu fais comme le film a essayé d'être cool à ce moment-là, ça marche. Mais c'est l'enrobage, puis c'est tout. C'est tout ça là, qui ne fonctionne pas. Et sa finale, c'est. Pas sa finale, mais je veux dire son point culminant qui ne culmine pas du tout et qui fait juste... Qui est loin d'être le point fort du film. Ouais, exact. Tu sais, c'est... parce qu'on sait qu'il y a une plage au loin puis qu'il y a vraiment... Tu dis qu'il y a beaucoup de monde dans une plage. J'ai jamais vu ça autant de monde dans une plage. Et c'est vraiment débile. Tu te dis, le requin va juste passer avec bouche ouverte puis il va en gober 8 avant de la fermer, tu sais. Et... Tu sais que le requin, il s'en va vers ça, puis les autres vont essayer de l'arrêter, puis le requin va finir par y aller. Mais ce genre de point culminant, ce que tu dis, il va aller faire un carnage sur la plage, là, sérieux, zéro pin ball. Il n'en fait pas de carnage. Là. Ce film-là aurait pu être vraiment plus violent que ça. Et malheureusement, il se la joue safe. Il se la joue très, très safe tout le long. C'est un film En fait, mon plus gros problème avec ce film-là, c'est que j'en parlais avec Marc-Antoine dès qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire ça, qu'on était comme pas confiants, surtout quand tu vois le nom du réalisateur et tout ça. Puis quand tu vois le budget, tu sais, c'est quelque chose comme 150 millions de dollars. Je me disais, oh my god, ça sentait le flop. Puis tu regardes le marketing, j'ai embarqué. Marketing, là, on dirait qu'il jouait la carte de l'autodérision, puis des posters vraiment le fun, tu t'attends de quoi de vraiment trippant. Puis, moi, je m'attendais à un monster movie, là, tu sais, là. Il se prend pas trop au sérieux, ouais. Tu sais, avec des one-liners. Puis, tu sais, Jason Statham lance une couple de one-liners, mais globalement, ouais. Ça se prend beaucoup au sérieux. Et mon plus gros problème, c'est que c'est crissement beige comme film, dans le sens que ça n'a pas d'identité visuelle, de alors, mise en scène, t'as rien. C'est vraiment. Tu regardes ça, puis j'avais l'impression, ça me faisait même feeling que quand j'ai vu la bande-annonce de I, Frankenstein, tu sais, un esti de produit formaté qui n'a pas d'identité, qui pue la platitude. Puis tu l'as dit, ce qui sauve le film, c'est Jason Statham, parce que j'aime bien Jason Statham à la base, je le trouve charismatique et le fun, puis c'est pas mal lui qui amène le fun dans le film. Et même Chris, pour un film à 150 millions, le CGI parfois est crissement douteux. Il y a des scènes qui sonnent vraiment fake, c'est pas à la hauteur. Puis fuck, toute la promo fait alentour de la fameuse séquence de plage. Tu sais, je m'attends pas à un piranha 3D, je m'attends pas à du gore, mais arrive-moi avec de quoi divertissant. Non, faut attendre 1h40 minutes pour une scène qui dure 7 minutes à peine. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de scène mémorable. C'est vraiment plate. C'est ça qui est dommage. Puis, non. Tu sais, je vais être honnête, moi, j'ai trouvé que le film était regardable. T'sais, j'ai écouté ça avec ma copine et sa belle-mère. J'ai passé un moment correct. J'ai pas détesté, mais fuck, c'est vraiment là. C'est comme je dis, c'est juste beige comme film. Là. Tu, vite vu, vite oublié. Oui, puis, tu sais, on avait parlé. T'sais, autant il y a des scènes avec le requin que les effets sont solides, autant qu'il y a d'autres moments qui fait comme hey, mais mon Dieu, mais ce moment de CGI est une commandite du stagiaire de la place. Là, t'sais, là. C'est on vraiment. Là, ouais, ça fait dur. On dirait que le film fonctionne au moment où il tente d'entamer des poursuites. T'sais, des moments où, exemple, Jason Statham se tient après un harpon, puis le bateau décolle, puis le requin le suit tout le long. Mm. Ça fonctionne, ou les espèces de petits bateaux, le requin court après les petits bateaux, il va se cacher entre des rochers. Ça fonctionne, mais en dehors de tout ça, on dirait que John Turturro est tellement un cinéaste incompétent qui ne sait pas comment mettre en valeur son requin ou ne sait pas comment créer une scène de suspense. Fait que par moment, j'étais comme « fuck, on est supposé avoir un requin de je ne sais plus combien de mètres, un mégalodon. » Puis la façon qu'il est cadré ou filmé lent, on dirait qu'il est petit. Je suis comme « mais ça, il est plus gros que ça quand tu vois les affiches. » Puis vraiment, c'est là, débile. C'est débile. À tout bout de champ, je me disais « ouais, mais il est bien petit. » Vraiment. Je me disais « ok, il va peut-être avoir un twist que dans le fond, ce n'est pas le vrai requin. Le gros requin va sortir. » Puis mais, pas tant que ça. Que, ouais, c'est ça. Mais, t'sais, c'est, mais tu l'as dit, les scènes de poursuite, ben, c'est ça, cette scène du harpon-là, ben, je me souviens plus c'est quoi l'autre scène où il va chercher quelqu'un, mais que, en tout cas, ce qui kick le requin pour se propulser. Il y a vraiment des scènes badass que tu voulais voir Jason Statham face à face avec le requin. Mais sinon, c'est ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les scènes, alors, écoute, des scènes où c'est supposé d'être soit sérieux ou soit dramatique, il n'y a rien là-dedans qui fonctionne. Puis le film essaie trop d'en mettre. C'est ce qu'il essaie d'en mettre. C'est débile. C'est plate, mais je préfère vraiment. Puis tu sais, je sais que c'est un qui est mal aimé. Là. Moi, c'est pour moi, c'est du So Bad It's Good, mais Deep Blue Sea de René Harding. Ouais. Ou que c'est un film. Je trouvais qu'il trouvait un bon équilibre entre on se prend un petit peu au sérieux. Puis par moments, c'est carrément ridicule. Tu sais, la séquence de Jackson avec son speech qui se fait pogner. Ben oui. Puis je pensais retrouver ça avec celui-là, vraiment. Puis pas vraiment. C'est dommage. C'est ça que je voulais, là. Vraiment. Puis tu l'as dit, le marketing donnait l'impression que ça allait être ça. Puis tu voulais que ce soit ça, tu sais. En plus, tu sais que c'est une coproduction avec la Chine, je pense. Ouais, mais justement, le film se déroule proche de Shanghai. Là. Justement, c'est pour ça que la plage est gigantesque. Puis, mais tu sais quoi, je pense que le studio, un coup qu'ils ont vu le produit fini, ils ont comme fait oh, tabarnak, c'est pas. C'est pas extraordinaire. Fait qu'on va essayer de faire un marketing des plus alléchants pour attirer les gens. Puis tu sais, surtout quand 2 années auparavant, on a eu The Shallow, qui était foutrement bien emballé par le réalisateur The Orphan. Puis on avait eu. Le direct-to-vidéo 47 Matters Down, que j'ai beaucoup aimé également. T'sais. Moi, qui m'avait vraiment, vraiment diverti. T'avais t'arrives avec ça, qui a coûté quasiment le triple de budget des deux films mis ensemble, t'es comme Chris, non, pas vraiment. Non, non, non, non, exactement, exactement. C'est. Ça vaut. Tu l'as dit, c'est regardable, là. Mais là, t'as nommé 47 Meters Down, t'as nommé The Shallow, t'as nommé Deep Blue Sea. Si vous n'avez pas vu un de ces trois films-là, regardez-le avant, Meg. Oh, oui, c'est vraiment plus fun. Oh, oui, c'est ça. Meg, attendez qu'il soit. Je sais pas s'il va. C'est son genre qui va se retrouver sur un site de streaming. Netflix, peut-être. Ouais, ouais, attendez, Netflix. Attendez ça, là, parce que sérieux, ça vaut aucunement l'achat ni la location. Là. Ça vaut juste le regarder. Puis c'est plate, parce que tu t'attendais à ce que tu pourrais dire « Hey gang, on se pogne des chips de la bière, on s'assied ensemble, on écoute Meg. » Non. Même pas. Même pas. C'est vraiment pas ce genre de film-là, tu sais. La chaîne YouTube Honest Trailers, ils ont fait un trailer, puis ça résume bien le film, je pense. Ben, je l'ai pas vu, fait que moi, ça le résume pour moi, puis c'est en masse pour moi, j'ai pas envie de le voir, fait que c'est comme, ben en masse, ça m'a fait rire, puis c'était correct. Là. Ok, je vais aller jeter un œil. J'aime bien ce qu'ils font. Je savais pas qu'ils n'avaient fait un. Ouais. Marc-Antoine qui sort le fameux In the Shallow. De quoi ça? Parce que c'est un jeu de mots avec le film de Rock in the Shallow et A Star is Born avec le hit de l'heure Shallow. Ok, non, c'est ça, j'ai pas encore vu le film. C'est vrai. Ah. Hé là là. Ben, c'est ça, ça résume mes deux films de la semaine parce que je vais le dire vite, vite. J'ai pas d'autres films à mettre sur ma liste parce que j'ai commencé à écouter Star Trek. Star Trek Discovery. J'ai eu de la misère à embarquer. Mm-hmm. Premier épisode, ça m'a pris 3 soirs de fini. mais à la fin du premier épisode, j'ai fait comme OK, j'aime ça. Deuxième épisode, j'ai aimé ça aussi. Puis après ça, je me suis acheté une PlayStation VR. ça fait 4 soirs que je joue à la PlayStation VR puis que j'écoute pas de film. Non, 4 soirs que 3 soirs. 3 soirs. Maudit Black Friday. Parce que tu prends l'argent que tu vas recevoir à Noël puis que tu la dépenses à l'avance. Parce que oui, j'ai beau avoir 36 ans, j'ai l'impression d'en avoir encore 16 parce que tout le monde autour de moi me donne de l'argent. Et tu fais comme, ben coudonc, écoute, je vais m'acheter une PlayStation VR. Ah oui. Et, oh God. Tellement de fun. C'est débile. C'est débile. Mais bon, ce sera pour un autre épisode parce que on reçoit des fois de temps en temps une clé pour une PlayStation VR, des jeux de PlayStation VR. Fait que, nice. Ben, pas PlayStation, mais plus ordinateur. En tout cas, on verra. Okay. Ou en tout cas, je faisais jamais des demandes parce que de toute façon, Steven, des reviews de jeux, t'en as pas encore fait pour le site. Je savais pas si c'était. Parce que toi, tu en as une PlayStation VR. Ouais, ouais. Toi, t'as une PlayStation Pro, fait qu'en plus, ça donne encore une petite coche de plus. Non, j'ai pas une Pro. Non? Non. OK, cool. Me semble moins cheap. mais c'est ça, ben écoutez, moi je vous laisse. Je vous laisse parce que là, vraiment, là. OK, tu restes même pas un peu encore. Je peux vous écouter. Je pensais que t'allais. Les suppositoires, c'était en direct, là. T'allais te donner. Ah ouais, on peut voir ça en même temps. Ah, c'est seulement sur la live Facebook. Ouais, ça risque d'être plus divertissant que. C'est sur le Patreon. Ah, c'est, okay, c'est juste pour les Patreon, ok. On fait ça après le show, ok. Hop, je vois les. Non, ok, les gars, on n'a plus de patrons. On est tous partis. Oh mon dieu, on est rendu à 200 auditeurs. Oh god. Mais non, ben oui, je peux rester là à vous écouter un peu, mais il faut vraiment que je me la ferme. c'est vraiment dégueu, c'est épouvantable. Je vais aller prendre du miel, puis des pastilles, puis plein d'affaires. Fait que, Steven, tu nous avais pas dit c'était quoi ton sujet, fait que go, je te relance la balle. Mais non, je vais lancer à Jeff, il a même pas parlé encore depuis au moins un 10 c'est minutes. C'est vrai, tu viens de parler, c'est vrai. Jeff faisait des recherches. Non. Bye, tout le monde. Parce que c'est sûr que je ne ferai pas un vrai bye. Là. Je reste, là, mais je ne ferai pas un vrai bye. Bye, tout le monde, puis je vous laisse avec les deux caves. OK. Ben, moi, j'avais prévu... Excusez pour la chaise, que du bruit. J'arrête pas de bouger. Excusez, j'allais dire... OK, moi, j'avais prévu parler de MacGyver, qu'on avait parlé il y a 2 semaines, parce que j'ai reçu le coffret de... Quel studio, je me souviens plus, là, Universal, je ne sais pas trop. Paramount. Quoi. Paramount, OK. J'en marque jamais les studios. C'est ça, j'ai reçu le... Je suis supposé faire une critique de ça, mais honnêtement, j'ai regardé 2 épisodes et demi, et je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est une perte de temps, là. C'est incroyable. Là. Dans une autre vie, dans d'autres circonstances, j'aurais fait « Ok, tu sais, MacGyver, le personnage lui-même, il est fun, mm-hmm. il est sympathique, c'est un genre de sous-Indiana Jones mélangé à James Bond, tu sais. Mais Christy, ça a trop mal vieilli, tu sais, ça se passe dans différents pays, souvent il y a des missions à différents endroits, puis... tu penses nous écrire ce message, mais on le voit tout sur le live, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, mettons, le deuxième épisode se passe, comment ça s'appelle, au Myanmar, mais enfin, à l'époque, c'est le Birmanie, je pense. En tout cas, puis tous les personnages asiatiques, justement, parlent en anglais, parlent dans un très, très bon anglais. Tu sais, on n'est plus habitué à ça. Aujourd'hui, on aurait des sous-titres, on aurait des gens qui parleraient dans leur langue, tu sais, avec des sous-titres. Mais là, c'est ça, t'as tous des acteurs américano-asiatiques, tu sais, qui jouent des Asiatiques, qui parlent dans leur anglais. Avec la peinture d'en face, là. Ouais, pis tu sais, t'as ça dans le troisième épisode où ça se passe, dans l'intro, parce qu'il y a toujours une scène d'intro qui est pas reliée au reste de l'épisode. Dans l'intro, t'as le personnage, je vous avais envoyé une photo de Sid Haig, qui est dans les films de Rob Zombie, dans Devil's Reject et tout ça. Il fait un genre d'arabe avec la grosse moustache pis tout, pis le turban, tu sais, mais c'est... C'est comme, ah, oh, c'est tellement plein de clichés, plein de... On est à l'époque de la guerre froide des années 80, tout ça, puis dans les clichés du style Rambo, les méchants de Rambo, les trucs comme ça, tu sais, qui sont... puis Indiana Jones aussi, tu sais. Ouais, mais sérieusement, je veux dire, quand tu t'es embarqué dans ça, tu te doutais pas avec un concept d'un gars qui arrive à se démerder avec des petits cossins. Oui, mais tu sais... Ça serait... Mais j'étais quand même curieux parce que j'avais des vagues souvenirs de quand j'étais jeune de cette émission-là, mais je l'ai jamais suivi non plus, tu sais, mais tu sais, je me disais au pire, ça va être divertissant, mais c'est parce que je pense que j'ai besoin de nos jours, à l'âge que j'ai, puis tout, besoin d'une série qui l'histoire avance, t'sais. Là, l'histoire, il n'y a pas d'histoire, tu sais, j'imagine qu'au fil du temps, on apprend peut-être un petit peu plus sur le personnage. Mais j'ai comme l'impression que ça va être un genre de personnage qui reste tout le temps au même niveau, que tu sais à peu près qui il est, qu'est-ce qu'il fait, puis c'est tout, là. C'est pas vraiment important, c'est juste la mission de la semaine. Puis... Mais moi, j'ai besoin de quelque chose, tu sais, dans Charmed, dont j'ai parlé il y a deux semaines, ça évolue d'un épisode à l'autre, les trois sœurs évoluent, la relation évolue, tout ça. Fait que tu sais, mais MacGyver, il reste tout le temps au même niveau, en tout cas. Après deux épisodes et demi, je peux pas vraiment dire. C'est un genre de James Bond. Ben, c'est justement. Ça. T'es arrivé à un nouveau volet, puis il n'y a pas vraiment d'évolution en dehors des films avec Daniel Craig. Ouais, c'est ça. J'allais dire à part ses films à lui, mais non, c'est ça. T'as pas d'évolution. Ça reste tout le temps au même niveau. Fait que ça m'a vraiment emmerdé, puis j'ai pas réussi à finir le troisième épisode. Je m'en sacrais totalement. J'étais comme, mais je m'intéresse pas au personnage, ni à ce qui se passe. Même les petits trucs de MacGyver, c'est comme, c'est bien le fun dans le premier puis deuxième épisode, mais là, c'est comme. Ça, j'ai pas envie d'écouter 22 épisodes de ça, de lui qui se sert de son couteau pour sortir de toutes ces situations. Pis... C'est ça que tu m'as envoyé comme cadeau d'échange. J'espère pas. Ah. S'il te plaît. Mais Moi, j'ai jamais vu un épisode de cette série-là, mais j'ai vu le film MacGruber, qui est une parodie par un des comédiens de SNL. Puis j'ai tellement ri avec ça que... Je me suis dit, gars, à quoi bon écouter la série? Je pourrais même pas la prendre au sérieux après ça. Je pensais que tu parlais du genre de film des Simpsons, donc on voit tout à les petits bouts, là. C'est MacGyver aussi. Attends, ouais, je me trompe-tu? Ouais. Non, c'est ça. Mais je me... Non, c'est McBain. C'est-tu relié à MacGyver? Non, pas vraiment. Mais je me trompe parce non, que les deux, non, les deux parce sœurs... Il y a les deux sœurs. C'est ça, son sur MacGyver, puis écoute un épisode à... C'est ça, j'ai mélangé deux affaires, c'est ça. Ah ouais, ils trippent sur MacGyver, eux autres. Si mais tu parles en mode de MacGyver, ils sont en crise. Fait qu'ils vont venir te démoler. Mais tu sais, le gars, Richard Dean Anderson, il est sympathique, il est charmant, il est, tu sais, je veux dire, mais c'est pas assez, là, tu sais, j'ai besoin de quelque chose. Puis c'est ça, c'est le racisme. Le racisme, puis la manière qu'il montre ces peuples-là, puis c'est tout tourné probablement en Californie. Tu te ramasses en Asie, mais c'est tourné en Californie, en tout cas, peu importe. Mais c'est dans d'autres... Dans des séries plus récentes, c'est souvent mieux fait que là. C'est comme ça paraît trop que c'est tout fake. Puis c'est. J'embarque juste pas. Fait que... T'as des séries comme ça, tu sais d'avance que ça va juste mal vieillir. Tu sais, t'en repenses à Hercule, Xena, tout ça. Tu sais, c'est des séries que je le sais que revoir ça aujourd'hui, j'accrocherais zéro, là. Tu sais, pourtant, j'écoutais souvent ça. Que... J'ai revu en partie à cause de toi les Lois and Clark, les quatre saisons, Ouais. parce que tu m'avais trouvé les deux, trois derniers coffrets. Mais je les ai toutes revues, puis moi, je les avais toutes vues à l'époque, dans les années 90. Puis ce qui m'a frappé cette fois-là, c'est à quel point les décors sont fake. Puis c'est tout le temps dans le même genre, 3-4, tu sais, des 3-4 mêmes rues sur le terrain du studio là, de Warner. Ils ont des rues qui font un peu rue new-yorkaise. Là, c'est comme toutes les 3-4 mêmes rues tout le temps. Tu reconnais tout le temps les mêmes bâtisses, les mêmes coins de rue. Puis c'est supposé se passer à une autre place de la ville, à une autre place de métropolis, mais c'est tout le temps les mêmes places. C'est comme, aïe, aïe, ça fait un monde qui est vraiment très, très fermé. Tu n'es plus capable de voir ça autrement en tant qu'adulte, là. C'est fou. Un peu comme des sitcoms, tu sais, Ouais. t'écoutes ça, puis c'est tout le temps les mêmes décors, puis un C'est peu ça. fake parce que tu sais que t'es dans une sitcom, fait que... C'est ça. Fait que non, finalement, j'ai pas écouté MacGyver. J'ai continué la série Charm, mais le reboot. J'ai parlé de deux épisodes, je pense, la dernière fois, ou d'un épisode. Puis sérieusement, là, l'autre épisode est demain soir. J'attends l'épisode avec impatience. Je suis comme toute la semaine, j'étais comme ah, oh, j'ai hâte d'en réécouter. J'aime ça au bout. Puis la saison, finalement, ça a l'air de. Tu sais, les critiques au départ n'étaient pas super bonnes, mais le réseau a commandé plusieurs épisodes. Ça va faire 22 épisodes en toute la saison. Fait, je suis comme yes, je vais en Il y a un avoir en public. masse. Il y a un public, puis moi, sérieusement. Étant pas tant attaché que ça à l'original, parce que je l'ai découvert cette année, ben pas découvert, mais tu sais, je l'ai regardé pour la première fois cette année, j'ai beaucoup accroché à ces trois nouvelles sœurs-là, puis à leur collègue qui est le personnage qui était joué par Brian Cross dans la série originale, mais que là, c'est un genre d'Englishman un peu à la Giles dans Buffy, mais il est tellement, tu sais, il est sympathique, il est drôle. Puis j'aime beaucoup la relation entre les trois sœurs. Puis au départ, je l'ai trouvé un petit peu. Il y en a une, la plus jeune, je trouvais qu'elle était nunuche un peu, mais finalement, tu te rends compte qu'elle n'est pas nunuche, elle est vraiment plus brillante qu'elle l'est. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions dans les épisodes. C'est ça, c'est très, très, très humain, très bien joué. C'est souvent écrit un petit peu lourd, parce que si vous voulez une série très, comme je l'avais dit, très de gauche et très SJW, Social Justice Warrior, ça, c'en est une, là, ça cache pas pantoute ça, ses convictions, là, c'est au contraire. Même que des fois, je trouvais que ça alourdissait le texte un peu. D'un autre côté, il y a une des trois sœurs qui est vraiment très là-dedans, puis elle est très intense, puis je pense que ça fait partie, ça c'est voulu parce qu'elle est vraiment très intense. Fait que c'est surtout d'elle que ça vient tout le temps, ce côté-là. Fait que je pense que c'est voulu, puis les gens autour d'elle la trouvent intense un peu là-dessus. Parce qu'elle est tout le temps en train d'accuser les hommes blancs de ci, de ça, puis telle affaire, tu sais, tout le temps en train d'un grand discours, puis d'une grande protestation. Mais mis à part ça. Mais tu sais, de toute façon, moi, ça me dérange pas, c'est mes convictions à moi aussi un peu. Fait que, tu sais, j'embarque là-dedans, mais je sais que ça peut être très lourd, ça peut alourdir le texte. Mais sinon, les effets spéciaux sont super bons. Les monstres peuvent être même un petit peu, des fois, quasiment épeurants. L'épisode d'Halloween, je l'ai trouvé stressant. Il y a un personnage, le personnage s'appelait Angela, je la trouvais assez un petit peu stressante. Puis, non, non, c'est ça, en gros, je suis accro. Moi, je suis vraiment totalement vendu à cette affaire-là, puis je veux continuer à l'écouter. Peut-être que c'est juste parce que je n'avais besoin, j'avais besoin de ça à ce temps-ci, là, t'sais, fait que. J'ai ça, j'en parlerai peut-être plus au fil du temps, mais là, je vais te laisser la parole, puis tantôt je parlerai d'une autre série que j'ai commencée récemment. C'est pas mal ta série Feel Good du moment. Dans le fond, un Oui, peu comme oui, oui. Lethal Weapon. Oui, oui. Ouais. Oui. Mais j'en ai une autre série que je parlerai tantôt, elle me sert un peu de ça aussi. Je pense que j'ai besoin de ça, c'est dans cette. OK. Moi, je vais y aller avec un gros morceau, un film que je suis allé voir au cinéma. Je dis gros morceau, mais le film, malheureusement, a fait un flop. Fait que ça se peut très bien que vous n'ayez pas eu la chance d'aller le voir parce qu'il a fait à peine 2 ou 3 semaines. C'est Overlord. Celui-là est réalisé par Julius Avery. Il avait fait Son of Gun, mais sinon c'est pas mal un petit débutant. Puis au début, c'était un film qui devait être associé à la série Cloverfield. Fait que c'était un film qui se déroulait durant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, j'aimais vraiment le concept d'utiliser le nom ou le mot Cloverfield dans chaque titre, puis ça pourrait avoir un lien, mais sans que ça soit forcément encore le film avec le monstre, t'sais, un peu comme ils ont fait avec la suite avec John Goodman. Puis j'aimais vraiment ce concept-là. Puis là, il y avait débarqué sur Netflix Cloverfield Paradox, qui semblait aller dans cette optique-là encore une fois. Malheureusement, ils ont essayé de relier ça avec le premier de façon assez forcée. C'était très décevant. Fait qu'ils ont sorti ça là, puis ont décidé d'y aller juste comme un film qui avait aucun gain. C'est juste que c'est produit par J.J. Abrams. Et ça se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale. Et à 46 heures avant le débarquement de la plage, il y a un groupe de soldats américains qui sont envoyés en zone de guerre dans un endroit précis où leur mission, ils doivent aller dans un petit village et aller détruire une tour satellite en haut d'une église qui va permettre d'aider les avions à venir attaquer durant le débarquement de la plage. Fait que c'est vraiment une mission importante. Et lorsque ce groupe-là va se rendre au village, ils vont tomber sur des trucs pas très catholiques dans le sens que les Allemands sont en train de faire des expériences avec des scientifiques, des expériences horrifiques afin de faire des espèces de super soldats zombies allemands, si on veut. Et va s'en suivre massacre et ainsi de suite. Tu lis le synopsis de ça, tu regardes le marketing qu'il y a eu qui faisait très années 50 dans les posters. J'aimais beaucoup le marketing du film. Et tu lis le synopsis, tu t'attends à quelque chose de très stupide parce que je veux dire, depuis le temps qu'on parle de ça, des films avec des Allemands. Des super soldats zombies allemands, je pense qu'on en a vu un million. Là. Tout ça. Des super soldats zombies allemands. Il y avait eu Iron Sky sur la Lune, qui était une espèce de grosse parodie que moi j'ai zéro accroché, j'ai pas aimé ça. On a eu les Dead Snow, qui étaient aussi un peu dans cette optique-là, que j'adore, qui était vraiment le fun. Mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Puis ça me tentait pas d'avoir une genre de parodie de la sorte. Et le film t'offre exactement ce que le synopsis te vend, mais ça reste un film à la base sérieux, ça tombe jamais dans le grotesque et ça traite tout le temps son horreur avec sérieux et pas que ça m'a surpris, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a beaucoup rappelé ces genres de films, ces espèces de entre guillemets gros blockbusters des années 90, des films d'horreur qui mixaient les genres action horreur, puis que souvent ça passait un peu inaperçu ou ça bombait, puis là arrivé en Blu-ray ou en DVD à l'époque, ça se retrouvait un peu le succès avec un groupe de gens qui va l'aimer. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'il va faire avec ça-là. Parce que entre la première moitié, qui est vraiment comme un genre de typique film de guerre, le film, l'intro du film est vraiment écœurante au cinéma. Ça se trouve sur le groupe de soldats qui sont en avion, qui sont sur le bord de se faire parachuter en terrain ennemi, mais ils vont se faire attaquer par les gros canons allemands. Puis c'est vraiment digne d'un gros blockbuster de film de guerre. Ça pète de partout, c'est assez sanglant. L'immersion était écœurante, j'ai vraiment trippé. Fait que tu sais, l'aspect guerre est très réussi, mais en même temps c'est très typique et c'est peut-être là que le film va peut-être je dis pas déchanter, mais faut pas s'attendre à quoi de révolutionnaire. C'est un film qui est très classique dans ses personnages, c'est les personnages typiques de Deuxième Guerre mondiale que vous avez vu un mille fois. Le film n'a pas tant de surprises, même dans son approche horrifique ça n'a pas de surprises, c'est juste que c'est terriblement bien emballé et même si ça prend un petit peu trop de temps avant que l'horreur embarque. Un coup que l'horreur embarque, j'ai vraiment eu du fun. Moi, la comparaison que je fais avec ça, c'est un mix entre Band of Brothers et Reanimator. La différence, c'est que c'est un peu plus mainstream que Reanimator. Attendez-vous pas à avoir du gros délai gore qui va aller aussi loin. Mais pour une grosse production, le film réserve quelques moments gore vraiment de fun. Il y a des moments très efficaces. La tension est au rendez-vous. J'ai vraiment eu du fun. Puis j'ai beaucoup aimé le personnage principal, qui était interprété par un acteur noir qui me rappelait beaucoup celui de Force Awakening. J'oublie son nom en ce moment. Là, oui, qui joue aussi dans Détroit, là, mais il m'a beaucoup rappelé dans son jeu. Il me rappelait beaucoup lui, je me suis beaucoup attaché. J'aimais beaucoup les personnages dans le film. C'est un personnage féminin qui est vraiment badass également, qui est vraiment cool, surtout dans cette... Dans l'époque où le film se déroule, les personnages féminins ont tendance à être maltraités par les Allemands, puis mis de côté, puis ils se défendent pas trop, tandis que là, ils jouent un peu les cartes du contrat. J'ai aimé ça. Puis autant on disait tantôt, moi et Sébastien, que de Meg était un blockbuster plate qui divertissait pas. Je trouve qu'Overlord, c'est le contraire. Une gang de chums, de la pizza, des bières, vous écoutez ça, je pense que vous allez avoir du fun. C'est foutrement bien emballé. Puis même que j'en aurais pris un 20 minutes de plus, c'est ça qui est arrivé. Je trouve qu'un coup que l'horreur embarque, j'en voulais plus. Puis par moment, t'as des éléments qui pourraient aller encore plus loin dans le délai, qui osent pas, malheureusement. Mais somme toute, Crime, j'ai eu du fun. Moi, c'était vraiment un bon moment de cinéma que j'ai eu cette année. Puis je trouve ça un petit peu dommage que le film a bombé parce que je trouve que c'est le genre de truc que le monde aurait eu du fun à aller voir au cinéma. C'est juste que la sortie était peut-être très mal placée en plein mois de novembre. J'aurais plus vu ça comme début de sortie en mois de janvier. Tu sais, quand tu vas voir les premiers films, souvent c'est des films un peu garrochés, des petits films d'horreur. Je trouve que celui-là, j'aurais bien commencé l'année. Fait que. Pas mal ça en gros. Bon divertissement. Gardez-vous ça à l'œil, mais que le film sorte en Blu-ray, ça vaut quand même le coup. Cool. Ben, je vais y aller brièvement avec mon autre série, puis je pense qu'après, on devrait prendre une petite pause parce que ça fait quasiment une heure. C'est vrai. J'ai commencé la nouvelle série avec. Je dis tout le temps son nom en français, le Nathan Fillion. Étant un gros, gros fan de Castle, j'ai tout suivi la série Castle au complet, fait que j'étais comme. Ça s'appelle The Rookie. J'avais envie de regarder ça parce que c'est ça, j'étais un gros fan de lui depuis Firefly, fait que j'ai comme pas un man crush, mais ben, à l'époque de Firefly peut-être, là, mais à cette heure, même quand tu parlais de Castle, t'avais l'air d'avoir un man crush, tu peux l'avouer, Jeff, c'est correct. Ouais, mais j'avais plus un crush sur l'actrice en fait, mais okay. Qui elle aussi a une nouvelle série, mais j'ai pas encore commencé. Mais non, c'est ça, The Rookie, c'est l'histoire de donc, c'est lui l'acteur principal, puis il joue un gars de 40 ans. Ça me gosse en partant parce que l'acteur, il a 47 ans, là, en tout cas. Il joue un gars de 40 ans qui. Il est arrivé quelque chose au début de la série, au début de l'épisode, au début du premier épisode, puis quelque chose qui change sa vie, puis il décide de changer de carrière. C'est un gars qui est dans la construction, il décide de changer de carrière complètement, puis de suivre son rêve de devenir policier. Fait que là, il se ramasse à l'académie, puis là, au début de la série, en fait. Il se ramasse dans ses premiers jours en tant que recrue sur le terrain avec ses officiers qui l'enseignent, les teaching officers. Fait que sont trois nouveaux personnages, trois nouvelles recrues qui sont avec trois officiers. Donc on a six personnages qu'on suit tout le temps en duo. Puis on les suit sur la rue avec différents cas, des drogués, etc., etc. Tout ce qu'on trouve dans les séries policières. Là, fait que c'est un peu. Comme n'importe quelle série policière, n'importe quelle série de docteurs aussi, qui ont toutes les petites histoires, mini-histoires de personnes qui ont des problèmes, pis ci, pis ça, pis qu'à la fin de l'épisode, c'est résolu. Pis t'as les histoires principales avec nos personnages principaux qui évoluent d'un épisode à l'autre. Là. Leurs relations changent pis évoluent. Pis moi, je trouve ça intéressant. Je m'attendais à quelque chose de plus comique à cause de Nathan Fillion, qui m'a habitué à quelque chose de plus comique. Pis là, il fait dans le plus dramatique un peu. Il reste comique un peu, mais il est quand même une petite touch dramatique. Puis je suis pas sûr qu'il a le talent pour ça. Je pense que Nathan Fillion fait vraiment mieux dans la comédie. Mais comme je dis, ça reste. Ça joue entre les deux. Fait que, ça reste comique par bout. Il me fait rire par moment. Mais quand il est dans le plus dramatique, je suis moins convaincu. Par contre, ça me divertit. Comme je disais tantôt avec Charmed, c'est une série feel good qui me divertit. J'aime tout le temps ça avoir ma petite série policière à regarder à chaque année. Fait que ça, c'est pour l'instant, c'est elle. Pour l'instant, je vais continuer. Là. J'ai du fun parce que c'est lui. Si c'était un autre acteur dans exactement le même environnement, je suis pas sûr que je continuerais. C'est vraiment à cause de son charme qui opère sur moi. Tout ça. Rien de sexuel, là, mais rien de. En tout cas, vous avez compris. Mais c'est ça. Je sais pas si je la recommanderais. Je trouve que c'est un petit peu trop. Ça ressemble un petit peu trop à plein d'autres choses. Si vous aimez Nathan Fillion, allez-y, essayez. Mais sinon, je pense pas que ça vaille nécessairement le détour. Je pense qu'il y a tellement d'autres affaires à la TV à regarder que ça. Là. Surtout que ça va être une longue série, un peu comme Charmed aussi, qui est 22 épisodes. Ça va être, je pense que ça va être long. Là. Ça va être une série de longueur plus traditionnelle. Là. Fait que, on n'est pas dans. C'est de choisir dans le gros buffet télévisuel. Ouais, c'est ça. Puis on n'est pas dans la télé prestigieuse là-dedans. Là, on est, c'est des petites séries de. Ça, c'est sur ABC. L'autre, c'est sur CW. En tout cas, c'est tous des réseaux. C'est ça. Qui font des séries qui durent sur le long. Là, c'est pas des affaires de. C'est pas de Sopranos. Là. Mais c'est ça. Moi, je m'amuse avec ça. Fait que. Là-dessus, je pense qu'on devrait prendre une pause, puis pas tellement longtemps, là, juste le temps de remplir ma bière, puis que Seb fasse son petit tirage live. Pour ceux qui nous écoutent live, des fois, ça vaut à peine parce que Seb fait des tirages. Parce qu'en ce moment, il est sur le chat. Il est plus dans l'épisode, là, mais il est sur le chat. Fait qu'on se retrouve tout à l'heure. Ah, mais j'ai même pas dit, on écoute-tu une chanson? T'as-tu un choix de chanson à nous proposer ou quelque chose? Vite de même, là. OK, on va se laisser en musique. Fait qu'aujourd'hui, Sébastien n'est pas là, c'est moi qui vais choisir. Et non, je vais quand même choisir de quoi qui est quand même pas trop, trop hard. On va y aller avec le groupe Pagan. C'est un groupe que j'ai découvert cette année, ça a été un de mes coups de cœur. C'est un groupe qui mélange le rock avec le black metal, mais juste un petit soupçon de black metal. C'est avec une chanteuse et je trouve que le groupe a une énergie d'enfer. Puis c'est un album que j'arrête pas d'écouter en boucle. Fait qu'on va y aller avec la chanson Emitted Me, que j'adore, c'est ma préférée de l'album. Et on vous revient tout de suite après pour continuer nos critiques. Alors, on est de retour après cette magnifique balade de Pagan. C'était une balade? Je ne sais pas. Non, pas vraiment, mais c'est Je te niaise. félicitations, Marc-Antoine, qui a gagné notre copie de Meg. Et as-tu gagné Crazy Rich Asians? Je n'ai pas trop compris aussi s'il l'a gagné aussi. Ouais, non. Non, ok. Non. Seb nous fait un signe que non. Ok. Juste de Seb, Meg. Fait que je pense qu'il voulait vraiment, fait que... Il est en train de déchirer ça, c'est parce qu'il l'a sans doute donné à quelqu'un. Fait que là, on parle, mais il est même pas là dans l'épisode, on va laisser non, c'est ça, c'est ça. Fait que là, j'ai parlé de Rookie, tu veux-tu parler de ton prochain film? Oui, bien sûr. J'allais Je vais attendre pour garder celui-là parce que tu vas pouvoir t'intégrer. Fait que je me dis, si jamais t'as rien d'autre par la suite, ça va être un plus. Je vais aller avec un petit, rapidement, une belle petite surprise. Je sais pas si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des fans d'Adam Sandler, mais évidemment, sa carrière a droppé depuis très longtemps. Je ne suis plus un grand fan. Ses films sont tout le temps le même schéma, même structure, même genre de blague. Je suis écœuré. Mais dès le début, moi, j'étais quand même un amoureux d'Adam Sandler. Happy Gilmore, c'est une des comédies que j'écoutais énormément en boucle avec Billy Madison. Et Adam Sandler était vraiment drôle dans SNL. C'était vraiment un bon humoriste. J'avais beaucoup de fun avec lui. Puis on dirait qu'il s'est perdu dans la grosse machine Hollywood. C'est devenu une des stars de la comédie les plus populaires qui rapporte le plus d'argent en faisant tout le temps la même formule, la même chose. Et ça a fini par juste m'écœurer. Et entre tout ça, il a tourné quelques trucs vraiment intéressants, dont Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, qui est un de mes films favoris, puis qui est pour moi la meilleure performance d'Adam Sandler. Et là, Adam Sandler débarque avec un one-man show surprise sur Netflix qui s'appelle Adam Sandler 100% Natural. Et au début, je me disais, bah, je suis tanné d'Adam Sandler, je ne veux pas l'écouter. Mais j'ai vu une couple de reviews sortir, puis vraiment des très, très, très bonnes reviews. Et ça m'a intrigué. J'ai décidé d'aller le voir. Et j'ai vraiment eu une méchante belle surprise. Honnêtement, je crois que c'est la même chose qu'Adam Sandler a fait depuis Punch Drunk Love, justement. Parce que je trouve qu'on retrouve un Adam Sandler fragile et naturel avec lui-même, sans vouloir faire de jeu de mots avec son stand-up. Mais la façon que c'est tourné, que c'est édité, j'ai embarqué à fond. Tu vois que c'est un spectacle qui est fait dans plusieurs endroits, des fois dans des petits bars, parfois dans des grosses places. Et la façon que c'est édité, c'est qu'à chaque fois qu'il fait des jokes ou des numéros, on alterne avec différentes places, avec différents publics. Et c'est super bien monté et super bien réalisé en même temps. C'est très mélancolique et très intimiste dans sa mise en scène. C'est vraiment bien foutu. Et c'est vraiment Adam Sandler qui lâche de temps en temps des petites jokes par rapport à sa vie, ces trucs-là. Et il chante beaucoup. Il fait beaucoup de chansons humoristiques. Et les chansons sont absurdes, stupides et terriblement drôles, en plus d'être vraiment catchy. Il y a une des chansons rap qui a fait le tour de l'Internet par rapport à cell phone et ses clés. Ça l'a passé un peu partout. Puis tout le monde a comme gardé ça en tête. Puis la chanson est vraiment catchy. Et c'est un show qui passe vraiment vite. C'est 1h10. Et par moment, on retrouve un Adam Sandler plus fragile, qui m'a vraiment touché. À la fin, il va faire une chanson hommage à Chris Farley qui est mort. Et j'étais pratiquement sur le bord de pleurer. C'était vraiment touchant. C'est vraiment bien placé. Et je trouve que le show est bien dosé. On alterne vraiment plein de petits moments surprenants qui font du bien. Et j'étais comme, waouh, je retrouve vraiment un Adam Sandler comme je l'aimais à l'époque. Et écoutez, je vous recommande fortement, si vous êtes fan de lui ou que vous avez décroché comme moi, mais laissez une chance à ce one-man show-là. C'est vraiment une très belle surprise. Cool. Mais il y a un gros contrat avec Netflix. Il y a plusieurs films Netflix, je pense. Il y a une grosse... Ouais, puis encore là, j'ai tenté vaguement le coup avec ces films. Puis encore là, c'était la même chose que ces productions hollywoodiennes. Fait que j'ai détesté. Fait que celui-là, je pense, c'est vraiment le bon coup, là, enfin. Ouais. Mais tu parlais tout à l'heure de ces films qui ont toute la même formule. Ça me fait penser à... Tu sais, il y a un public pour ça, comme il y a un public pour les films de Noël qui sortent à tous les années. 30 millions à tous les ans qui sortent, puis il y a tout le temps un public pour ça, puis ça pogne, tu sais, puis... T'sais, lui, il a compris qu'il y avait un public pour son style à lui, tu sais, c'est... C'est bien, ça y remplit pas, je le sais, Mais c'est clair qu'il y a un public pour ça, parce que, je veux dire, tu regardes les reviews pour Grow Ups 2 ou Pixel, c'était parmi les films les plus mal cotés, mais qui a fait le plus d'argent au box-office. Fait que tu vois, son public, à lui, ils sont vraiment fidèles, mais je pense qu'en en dedans de lui-même, en dehors de ça, je pense que lui-même devait être conscient de la mauvaise tournure de ses films, puis il devait être écœuré. Puis tu sais, je me demande même si des fois Adam Sandler était peut-être pas en dépression avec tout ça, mais tu sais, t'écoutes son one-man show, puis j'ai l'impression qu'il a l'air à la fois de voir un Adam Sandler plus vrai, mais en même temps plus quasiment... Quand je disais fragile, on dirait quasiment qu'il est sur le bord de la dépression dans le show des fois, dans sa façon d'être. Puis je suis comme... Chris, je l'ai pas vu de même auparavant. Il y a vraiment de quoi de plus naturel. Puis je pense que les reviews atroces sur ces films l'ont peut-être affecté au bout du compte. C'est beau, c'est bien niveau de ton film fonctionne, là, mais c'est pas tant les chiffres que tu vas regarder que les reviews qui te démolissent et qui commencent à te rabaisser constamment. Fait, elle veut pas, ça finit par toucher ton ego ou te toucher personnellement. Un peu comme les humoristes du Québec, quand ils sortent une première de leur show et qu'ils vont voir dans le Journal de Montréal des critiques qui commencent à les bâcher, ben évidemment, ça leur fait de quoi? Fait que, I guess qu'Adam Sandler, à un moment donné, peut-être qu'il n'avait plein de cul, puisque c'est quand la dernière fois qu'on a vu une grosse production d'Adam Sandler, une grosse comédie depuis Pixel. Non, ça fait ça. Un petit moment, pareil, là, qu'on n'a pas eu rien de lui. Là. Ouais. Ben, c'est cool. Moi, je vais parler d'un vieux film de 95 que j'ai vu pour la première fois, qui s'appelle Gazon maudit, film français, qui était Gazon? Un gros succès en 95. Gazon maudit, oui, de Josiane Balasco, coécrit par elle. L'histoire d'une femme lesbienne qui... en fait, c'est un couple, Alain Chabat puis l'actrice Victoria Abril, qui rencontre cette personne-là. Elle tombe en panne devant leur maison. La femme du couple, puis elle, ont une aventure, puis ils finissent par s'amouracher l'une de l'autre, puis ça marche pas avec le gars. Alain Chabat, il prend pas ça pantoute, mais lui, c'est un coureur de jupons, puis c'est le pire trou de cul qu'il a pas sur la terre, tu sais. Tu commences le film, puis tu passes une grosse partie du film à te dire « Chris, qui est pas le fun Alain Chabat là-dedans, il est vraiment là, haïssable, là, c'est incroyable, il méprise les femmes, il les manipule, puis tout, puis il a aucune considération pour personne à part lui-même, tu sais. » Josiane Balasco, elle est sublime dans ce film-là, je l'avais souvent... C'est juste pour ça que je la connais, je connais son nom à cause de ce film-là, ça a été un gros succès à l'époque, moi, je me rappelle bien que tout le monde en parlait de ce film-là, mais ça a juste jamais donné que je le regarde. Jusqu'à cette semaine. Puis c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu des trois acteurs principaux. Sauf que c'est un film qui a mal vieilli. Un film qui, de son époque, qui est plein de stéréotypes des gays et lesbiennes. Je pense que t'entends le mot Gwyn 20 fois dans le film. T'as des vieilles visions de... Tu sais, t'as Alain Chabat qui sort le truc, genre... Ah, mais pour, moi, je peux tromper ma femme, c'est pas grave. Les hommes, c'est différent, là. T'sais, vous, les femmes, que c'est quand vous trompez, c'est... Faut vous aimiez, pis ça, pour le sexe, faut pour avoir du sexe. Moi, un gars, j'ai des besoins, là, t'sais, faut que... C'est correct si je trompe ma femme plusieurs fois, t'sais. C'est des vieilles visions, là, t'sais, c'est des... Oh boy. Pis, c'est pas... Il y a une sorte de banalisation de l'homosexualité là-dedans que, t'sais, qu'une femme... hétéro peut facilement avoir de même en claquant des doigts une relation homosexuelle ou plus tard une femme homosexuelle peut avoir une relation hétéro plus tard dans le film. Ça me gosse, je sais pas, je suis pas... faudrait que je parle avec des gays et lesbiennes qu'est-ce qu'ils pensent de ce film-là, mais je suis de nos jours, mais ça m'a gossé un peu, puis... Mais les acteurs sont, comme je disais tantôt, sont vraiment, vraiment juste dans leur jeu. Il y a des scènes qui sont venues me chercher. Il y a une scène amenée vers la fin du film. Josiane Balasco est assise avec Alain Chabat sur un banc de parc, un banc sur le bord d'une rue. Puis, je sais pas, c'est vraiment venu me chercher les circonstances. Je peux pas trop en parler, je veux pas trop spoiler rien, mais même si c'est un vieux film, mais cette scène-là est vraiment venue me chercher. Puis c'est drôle parce que maintenant, je suis parent, fait que toutes les... Le couple, ils ont deux jeunes enfants qui sont des personnages secondaires, puis ben, je dirais pas quasi inexistants, mais ils n'ont pas vraiment d'importance tant que ça. Mais Alain Chabat, qui est leur père dans le film, s'en occupe jamais. On dirait qu'ils sont inexistants pour lui. Un moment donné, ils partent toute la famille en voyage, en vacances à quelque part. Bon, pas en vacances. Ils partent pas si loin que ça. En tout cas, ils partent à quelque part sur le bord d'une plage ou peu importe. Puis... il sort de la voiture, puis il laisse sa blonde s'occuper des deux. T'sais, il a jamais regardé en arrière de lui. Il s'en colisse. C'est comme s'il s'en colissait de ses deux enfants. Ils sont jamais là, t'sais. C'est ça, je le vois jamais les prendre ou quoi que ce soit. Puis moi, c'est pas vraiment le focus du film, pas en tout même, mais c'est juste venu me chercher en tant que père. Je suis comme, mais occupe-toi-en un peu, c'est tes enfants. Mais c'est du vieux cinéma, c'est une vieille façon de voir la parentalité. C'est la mère qui s'occupe tout le temps des enfants. Puis moi, c'est venu me chercher, en tout cas. Puis, ben c'est ça. Est-ce que je le recommanderais de le revoir? Je pense que oui, je pense que ça vaut la peine parce que c'est des acteurs qui sont... T'sais, Alain Chabat, Josiane Balasco sont rendus big. Ça a été un gros moment de leur carrière, puis je pense que ça vaut encore la peine d'être vu, sauf que je trouve que ça a mal vieilli. Puis la raison pour laquelle j'ai voulu le voir, en fait, ça, je voudrais le recommander. C'est une petite vidéo sur YouTube, sur la chaîne... Blow Up de la chaîne Arte, la chaîne de télévision Arte, ARTE. C'est une vidéo qui s'appelle C'est quoi Alain Chabat? Pas qui est Alain Chabat, mais plutôt C'est quoi Alain Chabat? Puis ils font une rétrospective de toute sa carrière de manière chronologique. Puis avec plein d'extraits de ses plus grands films, incluant Astérix, Mission Cléopâtre et tous ses plus grands films. Puis ça me. À chaque extrait de film, j'étais comme. Pour tous ceux que j'avais pas vus, puis il y en avait beaucoup que j'avais pas vus, j'étais comme, mais j'ai vraiment le goût de toutes les voir. J'adore ce gars-là, puis dans le peu de lui que j'ai vu, j'adore ce gars-là. Mais là, j'avais vraiment le goût de tout voir ses films. Ça m'a donné le goût d'essayer de toutes les trouver, là, si possible. Fait que, allez voir cette petite vidéo-là, ça vaut vraiment la peine si vous êtes fan de l'acteur puis du réalisateur. Ben c'est ça. C'est ça. C'est un gazon maudit, c'est bon, mais c'est de son temps. Ça a drôlement vieilli. Et voilà. On est comme un gros T'as oublié silence. des fois que c'est rendu toi qui anime, là. Ben oui, mais en même temps, je pense qu'on peut co-animer. Mais On peut co-animer, c'est vrai. alors, c'est quoi le prochain sujet? Eh bien, je vais y aller avec un de mes coups de cœur de la semaine. J'ai finalement reçu avant-hier mon steelbook de Street of Oh Fire yeah. de Shout Factory. Parce que dernièrement, je suis dans une phase Walter Hill. Je suis un gros fan, mais j'ai décidé de me rattaper ces films. J'ai racheté en Blu-ray dernièrement, exemple, 48 heures avec Nick Nolte et Eddie Murphy. C'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas Walter Hill, parce que ça se peut, c'est un réalisateur très sous-évalué pour ma part, qui était très, très populaire dans les années 70, les années 80. Il est surtout connu pour The Warriors, qui a même eu un jeu de Rockstar, fait par Rockstar, la compagnie qui avait fait les GTA. Et je trouve que c'est un des meilleurs réalisateurs d'action de cette époque-là, qui, chaque fois que je revois ses films, je capote. Je capote sur son cadrage, sa façon de filmer l'action, qui par moment me rappelle beaucoup des productions du HK. Mais c'est pas étonnant parce que Walter Hill est un grand amoureux du cinéma asiatique, en particulier Kurosawa. C'est pour ça que quand tu écoutes beaucoup de ses films, tu peux voir beaucoup de liens assez flagrants dans tout ça. Et Street of Fire, c'était un que j'avais jamais vu malheureusement. Ça a juste jamais donné. Puis je savais que Jean-François était un gros fan. Il en a déjà parlé dans le bras de fer des films. Et quand j'ai été voir sur Amazon, si le film était vendu, puisque je savais que Shout Factory avait sorti une édition, ben le steelbook était pas cher en précommande, contrairement à ce qu'il vaut maintenant après. Et je me suis garoché dessus et j'ai adoré encore une fois. Walter est aussi un grand amoureux de western et c'est une vibe qui se ressent énormément dans ses films. Et je pense que dans Street of Fire, ça l'empeste le western solidement. Et ça se passe dans un. Il n'y a pas d'époque, hein? Ça C'est un genre de futur rétro. C'est ça, c'est entre le passé et le futur qui s'entrecroisent parce que par moment, tu as l'impression d'être dans les années 50, dans le style, les voitures, Les l'habillement du néons, puis monde, tout, là, ouais. les néons, les voyous avec la coupe là, qui semble sortir de Grease, tu sais, pratiquement, et quelque chose de plus moderne. Futuriste, années 80, justement, notamment dans les moments plus Mais. chansons avec Diane Lane, tu sais, qui semble, on dirait Bonnie Tyler là, quand elle chante, Ben, là, tu le totalement. dis, c'est Jim Steinman qui écrit les chansons, puis c'est lui qui a écrit Totally Except of the Heart, puis c'est ça, les tunes de Ça Meatloaf aussi. paraît pour la chanson finale. Vraiment, j'ai Oui. pensé à Totally Except Ben, c'est of ça, c'est le même compositeur. Mais j'allais dire, tu sais, ça a un look très comic book, années 80, mais très comic book. Avec Comme Book, ça. Michael Parry avec son grand manteau, puis tout, tu sais, c'est. Vraiment, mais dans le montage aussi, les transitions qui fait très bande dessinée avec des espèces de zigzags. Mais encore là, parce que Walter Hill est un fan de plein d'affaires, puis on dirait qu'il les incruste toutes là-dedans. Fait que tu sais, dans ça, t'as vraiment un côté très western mélangé avec de l'action et des cascades qui semblent sortir du cinéma un peu asiatique où que les cascadeurs font vraiment des vraies cascades dangereuses. Là, il y a des scènes de moto où que les cascadeurs en prennent plein la gueule puis font des atterrissages sur le ciment. Et un côté très bande dessinée, puis c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans The Warriors. Dans la nouvelle édition de Warriors, il a fait un nouveau montage qu'il a fait lui-même. Puis maintenant, tu as comme des transitions en bande dessinée, puisqu'il voulait que The Warriors ait une vibe très, très comic book. Mais je trouve que Street of Fire a vraiment plus une vibe comic book. Que ce soit dans les stéréotypes des personnages qui font vraiment très. Tu sais, il y en a qui disaient cheesy. Je pense que c'est toi qui disais que le film était très cheesy, mais je trouve que c'est plus ça met sur des gros points stéréotypes qui fait très comic book. J'ai pas trouvé ça tant cheesy. Mais tu sais, c'est sûr que Michael Paris sort beaucoup des one-liners kitsch des années 80. Puis c'est ça qui arrive, c'est que le film reflète beaucoup des années 80. Il y a un gros côté pastiche des années 80 qui m'a vraiment plu. Et surtout dans ses personnages. Tu sais, le vilain est interprété par William Dafoe, puis il est génial là-dedans. Mais pour revenir un peu à l'histoire, c'est ça, ça se déroule dans une espèce de passé futur entrecroisé. Puis t'as le personnage, une chanteuse interprétée par Diane Lane, qui est une chanteuse très populaire, tout ça, qui va se faire kidnapper par une gang de motards avec le chef qui est interprété par William Dafoe. Et t'as son manager interprété par Rick Moranis. Oui, Rick Moranis qui est pas drôle là-dedans, là. Il n'est pas drôle, qui va aller chercher l'ex de la chanteuse, Colin, qui est interprété par Michael Paré, pour le payer puis l'aider à aller récupérer, justement, délivrer la princesse du méchant bad guy. Puis avec lui, il va avoir une ancienne soldat. J'ai pas pris le nom de l'actrice, mais je l'ai beaucoup aimé. Là, une soldat super badass, ouais. Beaucoup d'attitude, personne ne lui marche sur les pieds. Puis ces trois personnages-là vont partir à l'aventure pour aller libérer Diane Lane. Et c'est ça, tu sais, synopsis somme toute assez basic, point A au point B, mais c'est tellement dynamique. Ce film-là pue le rock'n'roll puis l'aspect comic book. T'as tout le temps de la musique rock'n'roll avec des chansons qui ont été faites globalement pour le film, je crois, si je me trompe pas. Oui. Jeff, là, les chansons sont toutes catchy. Le film commence avec ça, puis on dirait que le montage suit le côté rock'n'roll des chansons. Le film, là, il y a un rip d'enfer, ça arrête pas, super montage, mise en scène dynamique de Walter Hill, puis avec des personnages colorés que t'aimes. Puis justement, Rick Moranis, c'est le gars que t'aimes quand t'es ticu. Tu l'as vu dans Chérie, j'ai réduit les enfants. Ce gars-là, il est inoffensif, tu sais, t'as le goût de l'aimer, puis là-dedans, il m'a déstabilisé, il joue le P des trous de cul, je le détestais pratiquement, puis j'étais comme « fuck ». J'étais en train de détester Rick Moranis au point que quand un personnage lui crisse un coup de poing sur la gueule, j'étais comme « merci, il était temps ». Puis, ben écoute, Michael Paré, je pense que là-dedans, il englobe la coolitude, je sais même pas si ça se dit, là, mais la coolitude. Michael Paré est le summum du cool là-dedans, le badass avec sa petite couette, son gun Winchester qui sort du Far West avec son manteau cap, puis ses one-liners, pis son attitude badass que j'ai pas d'émotion, je me fous de tout le monde, moi je fais ça pour la cash, un genre de chasseur de primes. J'ai vraiment trippé, puis je dirais qu'on voit pas assez William Dafoe. J'aurais pris plus de moments avec ce méchant-là. J'ai trouvé ça un petit peu dommage pour surtout ça. Surtout qu'il est vraiment intense là-dedans. Là. Il est vraiment intense, oui, vraiment. Puis, quoi qu'il est tout le temps intense, là, mais dans celui-là, il est... Il est tout le temps intense, mais là-dedans, il est vraiment particulier. Mais il a surtout une attitude. Tu sais, William Dafoe, juste avec son regard, il peut déjà être imposant. Fait, déjà, jouer le bad boys d'un gang de motards, ça fonctionne au bout. Et on dirait que tous les personnages secondaires que les personnages vont rencontrer, à un moment donné, ils vont utiliser un autobus pour s'enfuir de la police, puis là-dedans, il va y avoir un groupe de jeunes noirs, musiciens qui n'arrivent pas à percer, genre de groupe qu'on voyait dans les années 50. Puis quand ils rencontrent des personnages-là, je me dis, j'aimerais tellement ça qu'il y ait une petite scène musicale avec eux, puis finalement, ça arrive. Puis j'adore ça, c'est vraiment... Ce film-là, c'est vraiment un melting pot de plein d'affaires. C'est un film d'action mélangé avec un film musical, avec un western, avec un côté comic book. Puis c'est juste que tout fonctionne bien, ça trouve un équilibre, puis ça fait juste en sorte que je suis comme, ouais, Walter Hill est vraiment un putain de bon réalisateur, que j'aime sa vision des choses. Puis c'est le genre de gars qui utilise ses influences pour incruster ça dans ses films sans que ça l'englobe son identité. Je trouve qu'il arrive à se créer une propre personnalité avec ses films, puis je trippe à chaque fois. Puis c'est dommage parce que les derniers films récents qu'il a fait sont un petit peu très décevants, mais si on retourne dans le début de sa carrière, là, allez écouter ça, puis veux pas, ça a été une grande source d'inspiration pour des réalisateurs d'aujourd'hui. Son film The Driver des années 70 est pour moi un des meilleurs films de poursuite qui a grandement influencé le réalisateur de Drive. T'sais, c'est pratiquement le même synopsis, puis ça a été une grosse influence, puis il a influencé également Edgar Wright pour son Baby Driver, puis même Edgar Wright, c'est parmi ses courses-poursuites favorites, fait que écoutez, c'est un must, puis je regrette zéro d'avoir pris le steelbook qui est magnifique. Fait que là, il faudra que tu voyes, je ne l'ai pas encore vu, là, mais la suite. Ouais, Road to Hell. La suite non officielle réalisée par Albert Pion, qu'on peut louer sur son site, le site officiel, mais pour 9,99. Mais je ne l'ai pas encore vu, puis ça a l'air vraiment, vraiment très cheap. Je suis vraiment curieux. Mais il y a Michael Paré. Si puis il y a une autre actrice, je pense, du film, en tout cas. Original. Puis t'as vraiment plein de second rôle. Tu sais, t'as Bill Paxton là-dedans, encore une fois. Puis ah, je me rappelle pas de ça. J'aime tellement Bill Paxton dans ses rôles secondaires. T'écoutes Alien Naruto, t'écoutes Predator 2. Il y a tout le temps des rôles secondaires. Predator, je pense aussi. Ouais, exact. Puis il y a tout le temps des rôles éclatés. Puis là-dedans, encore une fois, c'est le petit Bill Paxton secondaire qui s'éclate puis qui s'amuse. Fait que non, j'ai vraiment trippé solidement sur ce film. Mais tu vois que c'est quand même des films. C'est pas pas très grand public, je pense. C'est ça, je comprends aussi que ça a pas eu de. Tu sais, c'est pas Back to the Future, c'est pas. C'est pas si commercial que ça. Michael Paré. Ben, ça dépend. Je veux dire, 48 heures, ça a été le premier film d'Eddie Murphy, puis ça a été un gros hit. Parce que. Mais tu sais, je veux dire, t'écoutes ça, 48 heures, c'est un body movie de l'époque typique. La différence, c'est que Walter Hill, c'est drôle. T'écoutes, j'ai revu ce film-là, 48 heures. C'est un synopsis basic, puis il n'y a pas tant de films d'action comme on peut en avoir dans d'autres body que le monde va plus triper, qu'il y a vraiment plus de scènes d'action, mais on dirait que tout est dans la mise en scène puis le rythme de Walter Hill, parce qu'à aucun moment tu t'emmerdes, mais pourtant il se passe rien. Des fois, c'est juste des interactions entre les deux personnages, puis c'est la façon que le réalisateur filme ça que ça fait la différence. Puis ça m'a fait le même effet dans Red Heat, un autre body movie qu'il a fait avec Arnold Schwarzenegger, puis John Belushi ou... John. Non, James, c'est ça, excuse-moi. James. James Belushi, c'est un autre body movie qui a pas tant d'action, mais encore là, c'est pas un film que je m'emmène parce que la façon que Walter Hill filme ses scènes, puis surtout ses petites scènes d'action, tu sais, tu vas avoir une petite scène de fusillade typique dans 48 ans dans un immeuble, mais c'est foutrement bien shooté. Fait que la scène est supérieure à beaucoup d'autres gros films d'action de l'époque. Mais t'avais des personnages plus sympathiques, tu sais, Michael Paré a jamais eu le... La carrière n'a jamais décollé. C'est vraiment, ça, il n'y a jamais eu d'appeal commercial pour. Il n'y a jamais plus vraiment tant que ça aux grandes foules. Il n'y a pas eu de gros rôle. À part peut-être Eddie and the Cruisers, même là. Mais je sais pas, c'est peut-être que Walter Hill a un style avec ses influences, un genre de mix entre les genres qui a peut-être déstabilisé les gens qui est moins. C'est con, mais t'as raison, mais c'est peut-être moins accessible, exemple, que du Tarantino, tu sais, qui pourtant, lui également, fait des gros mash-ups de qu'est-ce qu'il aime dans le cinéma. C'est juste que. C'est peut-être juste que Walter Hill a juste sombré dans l'oubli, je sais pas. Ses films, tu sais, The Warriors, tout ça, c'est pas mal lui qui revient le plus souvent, mais tous ses autres films, les gens en parlent pas tant ce qu'il faut, puis. Je trouve ça dommage. Fait que honnêtement, c'est un réalisateur à visiter ou revisiter. Fait que garochez-vous dans sa filmographie, ça vaut vraiment le détour. Moi, j'ai pas rien d'autre, pas d'autres sujets. OK. T'avais-tu d'autres choses? Écoute, je vais peut-être venir rapidement sur quelque chose. Excusez du temps mort. C'est parce que j'oublie le nom du personnage. Tu sais que je pourrais utiliser cette phrase-là. Je vais venir rapidement sur quelque chose. OK, commence pas à penser crochet, s'il te plaît. OK. J'ai écouté sur Netflix. J'essaie de faire du rattrapage dernièrement parce que les tops de fin de l'année approchent. Et moi, c'est un de mes moments favoris. J'adore faire des tops. Puis je sais que je mettais la pression à JF sur ça durant le temps du bras de fer des films. Et j'essaie de me rattraper avec les quelques films d'horreur slash trailer que j'ai pas vu. Et j'ai écouté cette semaine Cam, qui est un film qui a passé au Fantasia cet été, que Marc-Antoine a vu, qui avait bien aimé dans l'ensemble, sans toutefois capoter. Et c'est ça, j'avais quand même hâte de le voir, il m'avait donné le goût. Et le concept me plaisait. Ça mettait en vedette Madeleine Brewer, qui joue dans la télésérie de NBA. Que j'ai pas encore écouté. Il y a des 40 là-dedans. C'est Janine, pour ceux qui l'ont déjà, qui ont vu la série. Puis, là-dedans, elle joue une je sais pas comment appeler ça, on va dire une cam sex girl. Mm-hmm. Dans le sens que, pour ceux qui connaissent ça, c'est pas mal basé, exemple, sur My Free Cam. Pas que je suis un expert dans le domaine. Mais c'est un genre de réseau gratuit que tu t'inscris, tu vas là, puis c'est différentes chaînes en direct de femmes qui font différentes choses. Exemple, ils vont juste parler de leur vie. Puis, exemple, s'il y a de plus en plus de personnes qui visionnent, rendu à, je sais pas, 50 visiteurs avant de lever une brossière. Si vous payez avec des tokens, c'est de l'argent, mais on appelle ça des tokens là-dessus. Mettons exemple, 80 tokens, vous pouvez lui demander de dire quelque chose. Vous pouvez lui poser une question, vous pouvez même lui demander de faire quelque chose, un ajustement sexuel qui pourrait vous plaire. Fait que c'est pas mal de la sexualité interactive, si on veut. Et beaucoup de femmes maintenant gagnent leur vie par rapport à ça. Puis là, on suit la jeune Alice là-dedans, qui sur les réseaux se fait appeler Lola, ou le contraire, je suis plus trop certain, qui, elle, essaie d'intégrer le plus possible le top 10 des plus populaires, parce que c'est comme ça que tu fais de plus en plus d'argent. Et tu vois un peu la vie qu'elle mène pour faire ça, parce que c'est un milieu très difficile. Il y en a qui pensent que c'est facile, tu es chez vous, tu te mets devant ta cam, tu as juste à te montrer les seins, puis tu vas juste réussir à gagner ta vie, mais arriver à garder l'attention pour avoir un public, il faut pratiquement des fois tu streams du 24 heures, 48 heures d'affilée. Il y a des filles qui sont des heures là-dessus à essayer de divertir, à garder le sourire. C'est une job qui est très demandant physiquement et mentalement, c'est ce que je crois. Et là-dedans, plus ça va, plus elle va finir par atteindre son top 10. Tu vois qu'elle utilise des façons parfois originales. Je ne vais pas gâcher des twists, mais elle utilise des façons très originaux. Et à un moment donné, elle va venir pour se connecter un matin à son compte et ça va dire qu'il y a une erreur dans le mot de passe. Elle va pas trop comprendre. Évidemment, elle commence à paniquer parce que son compte de banque est relié là-dessus. Ta vie est là-dessus. Je veux dire, tout l'argent que tu fais est sur ce compte-là. Fait que tu te fais pirater, tu capotes. Elle essaye, mais elle n'arrive pas à se connecter. Elle n'arrive pas à comprendre. Elle appelle au service d'assistance d'aide. Puis ben, pourtant, vous êtes connecté, tout est beau, il n'y a pas de problème. Et quand elle va taper son nom dans le moteur de recherche, elle se rend compte qu'elle est en direct à ce moment. Et là, elle se voit elle-même en train de faire un show comme habituellement. Puis elle se dit, crime, c'est pas. Pourtant, j'ai pas actionné le bouton pour faire des rediffusions de mes anciennes vidéos ou quoi que ce soit. Fait qu'elle écoute ça, puis là, elle voit pas ça comme une rediffusion. Pour elle, c'est vraiment du direct, au point qu'elle va écrire une phrase et la personne, là, elle-même, va interagir avec elle. Et là, on embarque dans une espèce de vibe Twilight Zone. Quelque chose de très surnaturel. Et le film va vaguer la deuxième moitié là-dessus, à savoir qu'est-ce qui se passe, c'est-tu de quoi de surnaturel, c'est-tu une intrus, peu importe. Fait que je vais arrêter là, je vais vous laisser le plaisir de découvrir ça. Moi, la première moitié de ce film-là, le film se retrouvait dans mon top 5 de cette année. J'ai capoté. L'actrice principale mène évidemment le film sur ses épaules. Elle est formidable. Je trouvais la mise en scène dynamique. Je trouvais le sujet pertinent. Je trouvais que c'est un milieu qu'on n'a pas vu souvent. Fait que l'idée d'amener ça dans un contexte horrifique, l'exploitation sexuelle avec les cams, tout ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis la première moitié, ça accumule des moments vraiment intéressants avec une bonne mise en scène, personnage génial. Et au moment où que le côté plus surnaturel embarque, où que notre personnage principal va commencer à essayer d'enquêter, j'ai trouvé que le réalisateur abandonne tout le côté original de la première moitié et on tourne un peu en rond. C'est vraiment, on va juste suivre elle qui va essayer de comprendre tout ce qui se passe. Et malgré que l'actrice offre constamment une bonne performance, puis je pense que c'est pour ça qu'on reste accroché. Elle est tellement bonne que la deuxième moitié reste quand même écoutable, puis la finale est quand même touchante. J'ai trouvé cette deuxième moitié vraiment inférieure à la première, que je trouvais vraiment intéressante et originale, puis je trouvais qu'il y avait matière à aller dans différentes directions, beaucoup plus fun que juste un côté plus Twilight Zone qu'on a vu un paquet de fois, puis beaucoup de gens ont comparé ça à un épisode de Black Mirror, puis tu sais, oui, c'est facile, je veux dire, c'est facile de comparer à ça, mais c'est ça. C'est un film que je recommande fortement pareil. Je crois que vous allez passer un bon moment. Puis les avis sont quand même mitigés, dans le sens qu'il y a quand même beaucoup de gens que c'est leur coup de cœur de cette année. Beaucoup de gens donnent des 4 sur 5 quand même. Dans mon cas, c'est vraiment première moitié que j'ai trippé, deuxième qui m'a un petit peu déçu, mais ça vaut pareil la peine. Fait que je le recommande. Cool. Ah, ça m'intéresse, yes. Ça m'intéresse. Je n'avais entendu parler dans le temps de Fantasia, là, dans une couple de podcasts, puis j'étais comme, j'étais vraiment vendu. Juste à l'idée que ce soit elle, l'actrice, je l'adore dans The Handmaid's Tale, fait que j'étais vraiment... Puis l'histoire, là, ça m'intéresse. Ouais, elle porte vraiment le film sur ses épaules, là, vraiment, là, elle est écœurante là-dedans, fait que ça m'a juste donné envie de la découvrir dans Handmaid's Tale. Honnêtement, là, j'ai envie de voir la série à cause de ça. Ah, puis elle est très présente. Ok, nice. Mais c'est-tu elle qu'on voit sur la pochette? C'est non, non, c'est pas elle. Ah non, même pas? Okay, ça, c'est Elisabeth Moss. Ça. Elisabeth Moss, oui, c'est vrai, je me mélange. As-tu d'autres choses? Non, pas vraiment. C'est pas mal ça. On s'est envahi à parler Jeff, là. Par les Jeff. Dans Diffusion Live, j'ai plein de Jeff Goldblum. Là. j'ai absolument rien compris de ça, fait que j'étais comme les Jeff. Ils sont en train d'envahir Dark Ford. Ouh! non. J'étais un vrai enfant. Il y aurait d'autres que tu... vite de même, non. Y a-t-il quelque chose que tu attends prochainement, que tu as envie de voir? Ah, ben... Je suis curieux de voir le nouveau Mary Poppins. Il faut que j'envoie l'original avant. Mais J'avais complètement oublié qu'elle allait avoir un nouveau Mary Poppins. Oui. Quel autre qui s'en vient aussi qui m'intéresse? Moi, en ce moment, j'ai comme très envie d'aller voir Creed 2. Oui. Parce que j'avais beaucoup aimé le premier. Parce que, je veux dire, Crim Jeff, c'est quasiment comme une suite à Rocky 4, ça, imagine. Ouais, je sais, j'ai même pas encore vu le premier. Fait que... Ah, ok. C'est sûr que c'est préférable que tu vois le premier avant celui-là. Ben là, j'imagine, oui. mais justement, on est supposé faire un épisode sur Séance de minuit, le premier puis le deuxième. Fait okay. que c'est sûr que je vais aller le voir au cinéma. Il me semble qu'il y avait d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai vu comme bande-annonce récemment? Non, je sais plus, là. Ben, tu sais, j'ai vu la bande-annonce de Roi Lion, bande-annonce de Dumbo, bande-annonce de... Ouais, évidemment. Moi, j'étais encore, comme je disais, en gros rattrapage. Fait qu'en ce moment, sur Netflix, j'ai très hâte de voir le western des frères Coen, qui est séparé en plusieurs segments de balades. J'ai pas le titre en main, mais Buster Scruggs, là. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai des grosses attentes avec celui-là. Il y a Roma, qui s'en vient par le réalisateur de Gravity puis Children of Men, qui fuck, c'est tellement encensé partout. Tu sais, même, je pense que c'est Guillermo del Toro qui disait que c'était son... un de ses nouveaux films préférés à vie maintenant. Fait que j'ai très hâte. Puis c'est un des rares films de Netflix qui va avoir une sortie cinéma 2 semaines avant qu'il soit disponible sur Netflix. Donc, il va être dispo à Montréal. Puis je pense que j'ai envie de vivre l'expérience sur grand écran avec ce film-là. Surtout que lui, il a vraiment des expériences visuelles. T'sais, Gravity, c'est un film à voir en salle. Children of Men, c'est un film à voir en salle pour ses plans-séquences incroyables. Fait que j'ai l'impression que celui-là avec, c'est une expérience à vivre en salle. C'est un gros succès au TIFF aussi, je pense, si je ne me trompe pas. Ça a eu beaucoup de succès à Toronto. Ouais. Pas mal partout que ça a été pas mal un gros hit en ce moment. Sinon, il y a des films comme sur Netflix. Sébastien a parlé dans le dernier épisode de Kindergarten Teacher, ça m'intéresse. Oui. Cam, il m'intéresse. Il y en a plein qui m'intéressent. Il y en a trop. Ouais, puis il y a Widows qui est au cinéma en ce moment, film de braquage avec des femmes qui sont laissées avec une énorme dette par leur mari qui ont voulu faire un braquage raté, puis avec leur mort, ils se retrouvent vraiment avec une dette gigantesque, fait qu'ils vont décider d'eux-mêmes de faire un braquage avec un casting 5 étoiles, tu sais, puis c'est réalisé par Steve McQueen, réalisateur de A Twelve Slave. Fait que Marc-Antoine, il l'a vu puis il m'a vraiment donné envie. Là. Il a quand même beaucoup aimé. Oui, la bande-annonce me l'avait vendue. Je m'en rappelais plus, là, mais ouais. Sinon. Sinon, c'est sûr qu'en ce moment, on commence à embarquer dans le vibe film de Noël. Et tu sais, ils vont me retaper tous mes classiques habituels, mais il y a ma copine qui écoutait avant hier le film de Noël qui est sorti de Netflix avec Kurt Russell. Christmas Chronicles, puis tu sais, Kurt, c'est Kurt, là, il est tout le temps bon dans n'importe quoi. J'ai vu une critique qui parlait de Hot Santa, puis toutes mes amies de filles qui vivent ici dans ma ville à Peterborough, il y en a plein qui l'ont. Je sais pas pourquoi, tous les anglophones, en tout cas, c'est surtout les anglophones qui l'ont regardé sur mon Facebook, mais toutes les femmes que je connais quasiment l'ont regardé le film en fin de semaine. Ouais, mais on s'entend-tu que Kurt Russell vieillit vraiment bien, là? Oui. Est-ce qu'il vieillit bien, ce gars-là? Il porte bien son vie dans les cheveux. Mais c'est ça, elle était en train d'écouter ça, puis j'ai vu peut-être un 2 minutes. Puis le 2 minutes, j'ai trouvé ça vraiment le fun puis charmant. Fait que j'ai comme été vendu. Fait que c'est un que je vois. J'ai été spoilé un peu sur la fin. Pas par rapport à l'histoire du film, mais par rapport à les personnes qu'on voit apparaître à la fin du film. Disons que le film est une affaire de famille, mettons. OK. Il y a des... C'est ça. Mais c'est... Tu sais, je veux dire, c'est pas ça. Ben non, ça spoil rien. Non, mais je veux dire, en tant que tel, le C'est pas ça le cœur des films de Noël? L'aspect familial, tu sais, que ce soit Krampus, Home Alone, tout ça, c'est tout le temps... C'est juste qu'on voit sa vraie famille à la fin, tu sais. Je pense qu'on voit Goldie Hawn en Mère Noël, là, je pense. Ah ouais? Puis qu'on voit Oliver Hudson, qui est le fils qui est le frère à Kate Hudson, dans le fond, qui sont les enfants de Goldie Hawn puis Kurt Russell. Ok, ben là, tu viens de me vendre une belle surprise, là. C'est ça. Je viens de la vendre à tout le monde. Mais en même temps, ça crée de l'attente. T'écoutes le film, j'ai hâte de les voir. Sinon, c'est quoi, j'ai vu Suspiria également par le réalisateur de Call Me By Your Name, mais ça, on a fait un épisode qui est comme pratiquement prêt, fait que je vois... Mais t'as déjà mis ton rating sur Letterboxd. Ouais, ben un coup qu'on a fini d'enregistrer, je vais déjà mettre mon rating. Fait que c'est ça qui arrive. Mais t'as pas écrit de critique, mais t'as mis ton rating. Ouais, non, j'ai mis mon rating. Les gens peuvent déjà pas mal savoir si on aimait ou pas. Dans le fond, si les gens nous suivent sur Letterboxd, ils peuvent savoir d'avance si on aime les films ou pas, parce que je suis tout le temps en train de chicaner Marc-Antoine et Jeff qui mettent leur rating d'avance. Puis je suis comme, non! Moi, quand on fait l'épisode, je veux penser que t'as peut-être détesté ce film-là. C'est pas le fun de le savoir. Sinon, écoute, moi j'ai terminé la série de Mike Flanagan. Oui. Sébastien veut plus en parler, mais nous autres on peut en parler. Je peux en parler. Écoute, tout ce qu'on disait, c'est plus obligé d'être dans l'épisode. Là. Mais j'ai vraiment adoré cette série-là du début à la fin. Puis je crois sincèrement que c'est la meilleure chose que Mike Flanagan a faite. C'est une série qui m'a fait passer par toutes les gammes d'émotions possibles. C'est pas la série la plus effrayante, mais je trouve qu'en même temps, ça a pas mal le feeling de ce que ça me fait un peu avec les Stephen King. Tu sais, le genre de vibe Stephen King par rapport au personnage, le côté familial, puis l'horreur qui devient quasiment secondaire, mais qui est jamais super effrayant. De toute façon, pour moi, c'est pas tout le temps obligé d'être vraiment effrayant, malgré que je préfère tout le temps une imagerie plus creepy que des jumpscares cheap. Puis je trouve que c'est ça que la série t'offre. C'est tout le temps une espèce d'atmosphère lugubre, gothique, avec des apparitions de fantômes un peu partout, des visages, t'as vu une main ici. Je trouve que ça fait son effet, c'est le fun. Puis la série contient tout de même le pire jumpscare que j'ai vu. J'essaie de quel tu parles, mais j'arrive pas à me rappeler de ma réaction à moi. J'étais comme, je sais pas, je m'en rappelle pas. Honnêtement, parce que ça m'a c'est pas marqué la façon... Mais... Je comprends pas, parce que c'est juste dans la façon que c'est incrusté que c'est impossible de pas te faire surprendre. T'es ah, juste trop incrusté. J'ai fait un saut, mais je me souviens pas que ça m'avait marqué tant que ça, mais en tout cas, mais oui. Écoute, ça, là, peut-être ça va être censuré, mais Chantal avait pratiquement fait un petit pipi dans ses culottes, puis elle est partie dire qu'au toilette. Juste pour dire. Mais c'est ça. Je veux dire, je suis tombé en amour avec tous les personnages. Puis je sais qu'il y a un personnage que je t'aimais pas, puis justement, il y a un épisode qui est concentré sur elle, une des sœurs qui est très... très froide, très... Ben, les deux plus vieux. Steven, les deux plus vieux, très antipathiques, mais en même temps, ça fait partie de leur personnalité. Enfin, oui, c'est pas tant la performance de l'actrice. Mais elle n'a pas peur. J'ai adoré la série. C'est juste que j'ai pas aimé les deux premiers épisodes parce qu'on suit, comme Vicky l'avait dit, on suit chronologiquement, on suit en ordre du plus vieux au plus jeune. Ouais. Chaque épisode est focusé sur les flashbacks d'un... ou en tout cas sur la vie d'un des personnages, d'un des frères et sœurs. Puis on commence avec ces deux-là, les deux plus vieux, tu sais. Je trouve que c'est les deux plus plates. Après ça, le troisième, on tombe sur la sœur qui est la femme de Mike Flanagan dans la vraie vie. Puis c'est comme, ah, là, je t'ai intéressé. Puis le quatrième, c'est le frère Junkie. Puis après ça, là, c'était le fun. Là. Mais en même temps, c'est ça qui arrive. C'est quand tu suis plusieurs personnages dans une série, c'est évident que tu vas en avoir qui vont venir plus te chercher puis te rechercher. Tu sais, avant même que je pense que tu vois la série, je t'ai rendu à l'épisode de Théo, justement, l'épisode 3. Mais même les deux premiers épisodes, j'étais déjà en amour avec Théo. Puis c'est ça, je dis à Marc-Antoine et à Sébastien, je suis en amour avec ce personnage-là, mais avec l'actrice. Pas juste parce que je l'ai rencontré, c'est une fille formidable, mais tu sais, déjà dans Hush, j'étais comme, Chris, la femme de Mike Flanagan est une estique de bonne actrice, puis là-dedans, je suis comme, ok, donnez-y des gros rôles, là. Je vais la voir plus à l'écran parce qu'elle est vraiment bonne. Ah oui. Mais c'est ça qui arrive, je trouve cette série-là t'incruste tellement que cette famille-là qui en bave, que le drame, moi, me frappait à chaque épisode, j'ai vraiment vécu chaque moment avec eux, j'ai adoré les parents, autant vieux. Ben surtout le père, là. La mère n'est plus là, mais j'ai adoré le père autant vieux que jeune. J'ai adoré tous les acteurs, puis j'avais une réticence un peu avec le dernier épisode parce que plusieurs personnes m'ont un peu mis sur mes gardes disant que c'était peut-être décevant, pas ce à quoi on s'attendait. Et personnellement, j'ai beaucoup été satisfait. Puis je trouve que c'est un dernier épisode ambigu. Je veux pas en parler là parce qu'au cas où des gens n'auraient pas vu. Mais c'est pas un épisode aussi happy ending que laisse croire les choses. J'ai l'impression que ça a une fin. Une fin plus ouverte, comme le dit mon collègue à la Inception, un peu avec la toupie. Là. Moi, ça m'a fait un peu penser à ça. Fait que j'irai pas plus loin. Mais somme toute, globalement, moi, c'est un must. C'est un des meilleurs trucs horrifiques que j'ai vu cette année. Ben, horrifique, ben, juste parce que c'est une série d'horreur, mais c'est pas si épeurant que ça. T'sais, je pourrais autant dire que c'est le meilleur drame que j'ai vu cette année. Ouais, dans c'est le sens que. C'est un drame familial. C'est un drame dans un enveloppe. Avec des jumpscares. C'est ça. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, oui, l'image horrifique reste dans la tête, tu sais, je veux dire. Avant même de voir la série, avant même d'avoir vu quoi que ce soit de la série, j'avais déjà sur Facebook plein d'images de la Bentneck Lady, tu sais, j'avais un de mes amis qui fait des petits dessins, des fois, des petits scribouillages, là, qui fait des petits gribouillages, en fait, je veux dire. Puis il aimait sur Facebook, puis il avait fait un de Bentneck Lady parce qu'il écoutait la série à ce moment-là, tu sais. Ou plein de reportages sur tu sais, genre des articles, genre la révélation, de l'identité de la Bentneck Lady va vous jeter à terre, puis des trucs comme ça, tu sais. J'étais comme, ouais. Oh, j'ai hâte de voir, tu sais. Mais en sachant qu'il y avait une révélation sur son identité, puis encore là, je vais sonner comme le gars le plus prétentieux sur la planète, mais j'ai aucune preuve. Je peux pas vous prouver à personne. Mais durant l'épisode, c'est l'épisode 5, ça, l'épisode de la Bentneck Lady, c'était dans ma liste de choix. Qu'est-ce que ça pouvait être, là? C'était comme, à la fin de l'épisode, j'ai fait, OK, ben c'était ça, c'était dans ma liste. Je me doutais, parce qu'il y a une scène au début de l'épisode, à cause d'une scène qu'on avait déjà vue dans le premier épisode, qui ont refaite pour l'épisode 5, où ce que Théo est tout petite, puis elle est couchée sur le genre de divan-lit, puis elle voit la Bentneck Lady au-dessus d'elle. Puis là, il se passe de quoi de différent que qu'on n'avait pas vu dans le flashback la première fois. Puis j'ai fait, ah, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Mais c'est pour ça que je crois que c'est tout le temps préférable d'essayer de moins en lire possible. Je sais que c'est difficile des fois avec Facebook, mais... Des fois, quand il sort des films sur Netflix ou des séries, j'essaie, en tout cas plus les films, j'essaie d'écouter ça la première journée ou même la première fin de semaine parce que le monde n'a pas le temps encore de capoter ou réagir. Fait que tu as le temps de découvrir ça comme les gens qui capotent parce qu'après ça, si tu es en retard dans le buzz, tu vas juste te faire hyper par tout le monde avec des détails puis des choses. Puis finalement, ça risque de peut-être créer des fois des déceptions. Oui, je comprends très bien. Puis mais d'un autre côté, tu sais, j'avais une bonne relation avec Mike Flanagan, puis après Gerald's Game, ça a comme fait pouet pour moi. J'étais plus intéressé. Puis quand la série a sorti, j'étais comme. Ça me tente-tu vraiment de regarder ça? Je pense que j'avais vu un trailer, puis j'étais pas plus intéressé que ça. Pourtant, j'adore les acteurs qui sont dedans. Mais je sais pas, je pense que les articles, puis le buzz, tout ça m'a donné le goût de le voir. Puis maintenant, j'ai fait OK, je vais écouter le premier épisode pour voir. Puis je suis pas super vendu, mais j'étais intrigué, fait que j'ai continué. Encore là, c'est-tu parce qu'on t'a hypé? Tu sais, je me rappelle le soir même que tu allais l'écouter juste avant. Moi, puis Seb, on en parlait. Puis même moi, j'étais comme si j'ai vraiment capoté sur le premier épisode. Ouais, je sais. Ben, j'étais curieux. Je ne voulais pas abandonner tout ce coup. Là, je veux dire, tu étais déjà rendu off avec Mike Flanagan avec un seul film? Tu sais, je veux dire, tu oublies tout ce qu'il a fait auparavant. Puis juste parce que Gerald's Game t'a peut-être déçu, tu étais rendu off. Oui, non, peut-être pas totalement, là, mais j'étais pas. Tu sais, pourtant, Hush est un de mes films d'horreur préférés de tous les temps. Là, je l'adore, ce film-là. D'amour, ouais. Là. Mais je l'ai. C'est ça. Mais je. Il y a Before I Wake que j'ai pas aimé. J'ai vraiment. J'en pense absolument rien de ce film-là. Comme je l'ai vu, puis je l'ai oublié. Puis après ça. T'as-tu vu Ouija 2? Non, je l'ai pas vu. Tu devrais, celle-là. Sa femme joue dedans, mais. 2 minutes. Ouais. Pas assez pour toi. Mais justement, Les deux actrices qui font Shirley. Oui, c'est ça. Font mère et fille, je pense, dans Ouija 2. Ouais, exact. Mais le casting de Haunting of Hill House est malade. Ah oui. les jeunes acteurs ressemblent, à part peut-être le jeune junkie, le garçon Billy, je pense, ou c'est quoi son nom? Et tu le Pas reconnais. Steve, mais Luc. Luc, excuse. Luc. Mais tu le reconnais pas, mais les autres, ils se ressemblent tous, c'est C'est malade, là. fou. C'est fou. Puis comme je disais, la décision de prendre Henry Thomas puis de le faire jouer par Timothée Hutton plus vieux, c'est comme ah, waouh! C'est un coup de Ça génie. t'a-tu fait ça au début, quand tu commences le premier épisode, les yeux bleus? Ouais. Ses yeux sont tellement Il y a frappants des qu'au début, lentilles, en t'es. fait. Henry Thomas se porte des Ouais. lentilles pour fitter avec Timothée Mais Hutton. c'est déstabilisant parce que c'est Ouais. tellement clair que t'es comme. Y a-tu de quoi qui te loche avec J'ai ses vu yeux? du monde en ligne qui disait que ça les dérangeait. Là. Les lentilles de Henry Thomas les ont dérangées, tu sais. Je te dirais que ça m'a dérangé les deux premiers épisodes, puis après ça, c'est comme devenu normal. Mais c'était bizarre parce que je me disais, mais il me semble que dans Gerald Games, ses yeux n'étaient pas aussi bleus. Ouais, c'est ça. Parce qu'il joue aussi là-dedans. Fait Oh que oui. Mais tu vois que Mike Flanagan va chercher souvent les mêmes acteurs. Là. Il est fidèle avec ses acteurs. c'est drôle, petite trivia, mais justement, j'ai vu pour la première fois la semaine passée, si on ne tentait pas d'en parler à soir parce que c'est pas un film tant intéressant, mais j'ai vu Desperation Ouais. de Mike Garris, qui est une adaptation de Stephen King, puis Avec il Ron joue dedans aussi Perlman. également. Ouais. Puis, Henry Thomas? Ah oui, je me ouais, rappelais Henry pas. Thomas joue dedans. Il joue le chum de la fille qui se promène en voiture puis qui vont se faire intercepter par Ron Perlman. Mais j'ai pas tant trippé. Je te dirais que la première moitié, c'est quand même pas si pire. Puis la deuxième moitié, là, quand il y a des révélations qui arrivent, je suis comme oh, non, on va laisser faire. C'est un des problèmes des romans de Stephen King, puis c'est aussi un des problèmes des films de Mick Garris, là, la deuxième moitié souvent. C'est vrai. Mais Stephen King a de la misère des fois à trouver des réponses intéressantes à ses mystères. T'sais. Il est bon pour placer un mystère, mais après ça. Mais j'ai l'impression que c'est ça. J'ai pas lu beaucoup de ses livres, mais il a tendance à peut-être juste tout le temps donner des réponses, puis c'est pas forcément nécessaire. Moi, Tu sais, je veux dire. la finale de Under the Dome, le roman, j'étais comme. Oh boy, ok, non, je m'attendais pas à ça, puis je suis pas sûr d'embarquer là-dedans. Tu sais, tu vas peut-être pouvoir me répondre là-dessus, mais ce que j'aime beaucoup du Shining de Kubrick, c'est qu'on n'a pas de réponse claire sur la fin. Je m'en souviens Mais pas est-ce que assez dans du le roman, il livre. y en a? Je m'en souviens pas OK. assez. J'ai lu ça quand j'étais adolescent. Je m'en souviens pas. Puis tu remarqueras qu'à chaque fois que tu vois une adaptation d'un film de Stephen King, souvent, c'est la révélation qui fait chier. C'est sûr qu'il y a Ouais. des exceptions, mais j'avais vu l'année passée Celle avec John Cusack et Samuel L. Jackson, puis déjà la bande-annonce me donnait turn-off, là. Mais t'as pas idée comment la révélation de ce film-là est d'une stupidité incroyable. Puis je suis comme fuck. Puis t'écoutes Destin, encore là, la révélation finale est comme. Ouais. Mais j'ai pas de stand, mais. J'ai pas. Non, J'ai j'aime pas. Destin, c'est la finale, j'aime pas. Ouais. J'ai pas vu Cell, j'ai lu le livre quand c'est sorti, mais. Le livre, il finissait sec, là. T'avais même pas de résolution au livre, là. Ça OK. finit avec un cliffhanger. OK, ben d'abord, c'est peut-être le film qui donne une résolution aux poches. Un peu comme Myst, en fait. La nouvelle Myst finissait. Il n'y avait pas de résolution, puis Frank Darabont a mis une finale, tu sais. Mais lui, ça a marché. Ouais, mais c'est ouais, parce que Frank Darabont est un bon scénariste. C'est Il a ça la trouvé différence. la finale coup de poing, tu sais, qu'il fallait à ce film-là. Tu sais. Tu sais, quand quelqu'un adapte une de tes histoires, puis qu'il fait une modification, puis que l'auteur vient dire qu'il aurait voulu faire ça à la place dans son livre, c'est Ah parce oui. que t'as vraiment fait une crise de bonne job. Qu'est-ce qu'il fait Frank Darabont depuis The Walking Dead, depuis Je sais qu'il est pas, mis à la porte? j'ai l'impression que Walking Dead, ça a fait un gros froid, ça a vraiment ennuyé. Puis c'est quoi, je pense, son dernier film avant ça qu'il avait fait, c'était Le Majestic avec Jim Carrey, qui a été un esti gros flop. Ça fait longtemps, ça, oui. Ça a été un gros flop. Non, c'est pas ça, son dernier, justement, c'est The C'était Mist. Myst, ouais. Puis après, non, c'est vrai, t'as raison, ça fait un moment qu'on l'a pas Ça fait vu. 8 ans quasiment, là. Walking Dead, c'est 2010, je pense. La première Ouais, saison. c'est ça que Marc-Antoine dit que Walking Dead, ça détruit sa carrière. Puis tu sais, je suis pas vraiment étonné. C'est dommage. C'est un C'est des dommage, grands parce que. réalisateurs qu'on avait, là. Vraiment, puis je veux dire, la série partait crissement bien. Je veux dire, Frank Darabont savait exactement ce qu'il allait faire avec cette série-là, puis. Le showrunner n'était pas d'accord avec ça. Ah, c'est chiant. Mais tu remarqueras que ça fait ça avec toutes les séries. Tu sais, je veux dire, Supernatural, les 5 premières saisons, j'étais un gros fan, puis le créateur a eu le contrôle sur les 5 saisons, puis il voulait arrêter ça là. Le showrunner était comme, non, non, non, non, non, c'est trop populaire, on peut pas arrêter ça là. Check, là, ils sont rendus quoi, saison 14, 15, puis c'est catastrophique. Puis là, tu regardes Walking Dead, c'est la même chose, là. Tu regardes la réception des fans, là, les fans ne trippent plus vraiment, là. C'est entre saison plate, saison potable. Fait tu sais, quand t'es rendu à offrir un show aussi inégal, fuck, arrête ça. Là. C'est ridicule, ils cancellent des séries qui marchent des fois, qui sont super bonnes des fois, ouais. À cause d'une question de public qui est pas au rendez-vous, mais ils cancellent pas Walking Dead quand tout le monde chiale contre ça. C'est ça. C'est qui qui l'écoute encore? C'est qui amène les codes d'écoute de ça, tu sais? Ben, I guess que, tu sais, les codes d'écoute, c'est encore là, mais c'est juste que ça a cruellement baissé pareil, là. Ils ont plus les mêmes codes d'écoute qu'auparavant, là. Fait que, veux pas, ça va finir par s'en aller, là, Walking Dead, là. T'sais, c'est sur le même réseau qu'il y avait Mad Men, puis qu'il y avait Breaking Bad, puis ça, c'est Breaking deux séries qui ont terminé au bon moment, tu sais, chacune. Pis c'est con, parce que, crime, j'entends plus parler, exemple, de Walking Dead, autant en bien en mal, que... Better Call Saul, qui, oui, c'est une série qui a décidé d'étirer l'univers de Breaking Bad, mais pas juste pour du cash, tu sais. Puis j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur la série puis les saisons, puis je suis pas surpris. Je suis curieux de voir le film qui sont en train de préparer, apparemment. Là. De Breaking Bad, en fait, là, ouais, le film de Jesse. J'ai peur, mais en même temps, je suis. Ouais. Je suis content. Je serais content de retrouver Jesse. Mais je veux absolument regarder Better Call Saul le moment. J'avais commencé le premier épisode quand ça avait commencé, là, puis j'avais pas continué. Je trouvais ça lent, je trouvais ça... Je pense que j'étais trop encore dans Breaking Bad. Ouais. Puis je m'attendais à la suite. T'sais. Pas que je m'attendais à ça, mais dans mon cœur, je pense que je voulais... que ça soit pareil. C'est ça. Puis là, c'est ça que la série essaie de faire, justement, c'est de pas être identique à Breaking Bad. Puis c'est bien, c'est parfait. Oui. Il fallait pas qu'il se répète, tu sais. Ben, c'est ça le but quand t'essaies de faire une espèce d'extension, tu sais. Puis. Y a-tu beaucoup de séries qui ont fait ça? Qui ont fait une série, que, exemple, de 5 saisons, c'est fini, puis après ça, ils ont décidé de faire une extension. Tu sais, en ce moment, même avec. Il y a eu des spin-offs, mais tu sais. Ça, là, mais... Il y en a eu plein dans l'histoire de la télé, mais c'est pas. Quelque chose qui a été vraiment marquant, qui a marché comme ça, je sais pas, là. Ben, là, en ce moment, il y a Sabrina qui est comme un spin-off de Riverdale. Ouais. On va voir comment ça va aller. Mais... J'ai pas encore commencé la série. Mm-hmm. Je sais que tu. Moi, j'avais écouté juste un épisode puis j'avais dormi la moitié. Là. Ouais, t'avais dormi. Faudrait que je le revoie. C'est pas parce que j'aimais pas ça, faudrait que je le revoie. Là, mais... Non, je commencerai pas à me lancer là-dedans. Il y a plein de spin-offs. c'est un phénomène intéressant, les spin-offs. T'sais, tu regardes, mettons. T'es peut-être un petit peu trop jeune pour ça, mais Vivre à 3, Three's Company, la série avec John Ritter, il y a eu genre 3 séries spin-off de ça, je pense. Okay. Même ça, c'est un remake d'une série british, sais, qui elle aussi avait eu des spin-off. En tout cas, c'est Happy Days avec Ron... cherche son nom, le réalisateur, là. Ron Howard. Ron Howard? Ouais, ouais. Happy Days a eu plein de spin-off aussi, dont un avec, okay, avec Robin Williams. C'est-tu ça que les Simpsons parodient souvent? Quand ils parodient Ron Howard, cette série-là. Peut-être, oui, probablement. Son personnage, parce qu'ils ont l'air de parodier souvent un personnage de Ron Howard, puis le Ron Howard qui veut juste son sac de cash pour tourner des films. Peut-être, je sais pas. Hey Ron, tu veux-tu faire solo? Oui! Mais non, c'est ça. Qu'est-ce que j'attends d'autre? C'est ça, le film de Breaking Bad, ça, je suis curieux. Le film de Downton Abbey, j'ai très hâte. Je sais que ça te dit rien parce que t'as pas écouté la série, non. Mais très hâte. Il y a beaucoup de choses que j'attends, c'est juste que là, ça me vient pas à tête, parce qu'à chaque fois qu'il faut chercher quelque chose, ça me vient pas à tête. Fait que je pense qu'on devrait juste compter l'épisode. T'sais, si on veut continuer à parler ou interagir, c'est correct. Oui. Fait que... On a-tu une chanson pour terminer l'épisode? On n'a pas... Écoute... OK. Fait qu'on va dire bonjour à tout le monde. On va dire bonsoir à tout le monde qui nous écoute. On va saluer nos Patreons aussi. Merci beaucoup de votre contribution. Félicitations à Marc-Antoine d'avoir gagné le film de Meg tantôt, le code digital. Puis, revenez-nous dans deux semaines pour le prochain épisode, en espérant que l'équipe soit là et on offre nos plus sincères sympathies à Vicky pour son chien qui est décédé aujourd'hui. Ouais. John Wick a dit qu'il serait sur le cas là, de Wick. Déjà qu'il est celui du chien Slinky de je sais pas trop quoi. Oui, de Toy Story. Story là. Il y a de la job, John Wick. Là. Ah ouais, en masse, il y a trop de chiens qui meurent. Eh bien, sur ce, merci JF d'avoir été là. Ouais, merci à toi aussi. Merci à Sébastien. Puis ses suppositoires. Suppositoire et sa présence semi-là. On va se laisser sur une chanson que, en temps normal, je déconseille les gens d'écouter une soundtrack avant d'avoir vu le film parce que je préfère voir, découvrir les chansons dans le film avec les images. Mais là, je me dis que ça pourrait peut-être donner le goût aux gens de voir le film. Fait, on va y aller avec un des singles de Anna and the Apocalypse qui va être dans une salle de cinéma prochainement, malheureusement. Mais Blu-ray va s'en venir rapidement. Je conseille la chanson Hollywood Ending, super catchy. Treadly, puis je sais qu'en disant Treadly, ça va rebuter plusieurs gens, mais moi je m'en fous. La toune est vraiment le fun et on se retrouve pour le prochain épisode. Gardez ça le fun. Oui. No such thing as a Hollywood ending. No such thing as a Hollywood ending. Ooh, oh. No such thing as a Hollywood ending. What was I thinking? This isn't Disney. I'm way off script and losing the plot. Things don't work out that way. I'm not McConaughey turning the charm on, calling the shots. If this was a movie, maybe she would be willing to share my world. I'm starting to realize sometimes the nice guys don't always get the girl. 'Cause no one ever tells you when you're young. Love's not like the books, the films, or the songs. We've been living a life for far too long, and we're tired of pretending. There's no such thing as a Hollywood ending. No such thing as a Hollywood ending. No such thing as a Hollywood ending. Don't be mistaken, my heart's not breaking. Let them all talk, I don't give a shit. Kill, marry, shag, it's all such a drag. I'm more than a lost piece waiting to fit. I'm not a princess, I in a white dress, hoping my chance will come. Then I'm a problem, don't wanna solve them, just wanna have some fun. 'Cause no one ever tells you when you're young. Love's not like the books, the films, or the songs. We've been living a life for far too long, and we're tired. You got it works out perfectly. Oh, what if this was all just meant to be? I want a love never ending. Your love is standing. It's here. Not belief I'm suspending. I'll never disappear. I'll get my Hollywood ending. Ooh, ooh, ooh, no such thing as a Hollywood ending. Ooh, ooh. Ooh, no such thing as a Hollywood ending. Ooh, ooh, no such thing as a Hollywood ending. Ooh, ooh. 'Cause no one ever tells you when you're young. I wanna love that first time. Like the books, the films, or the songs. It's not belief. There's no such thing as a. There's no.